Eh bien, quand on parle de la mort, ça intéresse beaucoup de gens. Et quand on parle de la vie, ça intéresse moins de gens. C'est pourquoi ça prouve ce que Krishnamurti, ce que Aurobindo, ce que plusieurs autres avant moi ont dit. L'être humain est plus souvent mort que vivant. Et c'est pourquoi, évidemment, les sujets relatifs à la mort les intéressent un peu plus que les sujets relatifs à la vie. Lorsque l'on veut instruire un individu sur comment vivre, bien, sur comment transcender la mort, sur comment travailler dans le monde des morts, ah là, ça c'est intéressant. Mais comment transcender la vie, ça, c'est moins intéressant. Oui. C'est une chose qu'on peut constater de façon régulièrement. Les films où il y a beaucoup de morts. On les remarque particulièrement. Et ça marche. Lorsqu'il y a beaucoup de vie, on les remarque moins. Lorsque l'on parle d'un accident dans un journal ou à la télévision, où il y a eu, par exemple, un ou deux blessés de sauver, de réanimer, on met beaucoup plus d'emphase sur la photographie de la tôle, de l'accident, bref, de l'onde de forme mortuaire plutôt que sur l'onde de forme originale, celui où on va voir quelque chose de bien apparaître, de naître. La vie n'intéresse pas tellement l'humain, la vie n'intéresse pas l'homme. C'est la peur de la mort qui intéresse l'homme. Et parce que l'homme est intéressé à la peur de la mort, il croit être intéressé à la vie. Il n'y a pas grand humain intéressé à la vie, parce que la vie, elle a un problème, il faut la vivre. Et la mort, on ne la vit pas, vu qu'on est mort. Pas ça va toi. On en a tellement peur aussi. Oui, mais c'est pourquoi l'être humain s'attache à la vie, c'est simplement parce qu'il a peur de la mort. L'être humain ne s'attache pas à la vie parce qu'il envoie l'intelligence ou parce qu'il a une vibration particulière qui l'amène à vouloir vivre. Mais j'ai trouvé un truc, je pense. Si les gens pouvaient savoir qu'ils meurent, ils s'empresseraient de vouloir vivre. Toujours. Oui. Maintenant, le phénomène, c'est que l'être humain a une mémoire et cette mémoire l'obnubile, l'empêche de constater qu'à chaque millionième de seconde, il renaît, donc il meurt, et il est neuf. Parce que l'être humain a une mémoire, il ne voit pas qu'il est neuf. Il pense qu'il est un tel. Toi, tu vas dire « Je suis Daniel ». Bon, là, tu es Daniel, mais Daniel, c'est qui? Ah, c'est un gars qui a été à l'école, là, et qui a fait telle étude, et qui... C'est ça, t'as un paquet de mémoire. Alors, l'être humain étant dans sa mémoire, il a continuellement l'illusion qu'il vit une instantanéité. Mais l'être humain ne vit pas l'instantanéité. L'être humain exprime son passé dans l'instantanéité, mais l'être humain n'a pas de conscience de la vie. L'être humain a une conscience de la mort. Il n'a pas de conscience de la vie, là. Il a une conscience de la mort. Et cette conscience de la mort lui fait peur. Et cette peur fait qu'il résiste à tout prix pour ne pas tomber dans ce gouffre qu'il appelle la mort. Et pour ne pas tomber dans le gouffre, ben merde, tu vis. Mais l'être humain ne veut pas vivre pour vivre, il veut vivre pour ne pas mourir. L'être humain ne veut pas mourir. L'être humain ne veut pas vivre. Lorsqu'un être humain est tanné de la vie, lorsqu'un être humain n'a plus peur de la mort, c'est là qu'il est tanné de la vie. Lorsque la mort n'est plus un obstacle, à ton émotivité, ben, tu regardes le monde et puis tu te dis que c'est plate. Pourquoi pas mourir? Mais si tu as peur de la mort, le monde sera toujours suffisamment intéressant. Est-ce que tu passerais ta vie, toi, à marcher dans la boue, à ramper entre des feuilles mouillées, à traverser les marécages? Passerais-tu des ans de ta vie à faire des choses comme ça, à manger des insectes, des larves, et puis vivre sur du béton, puis tout ça? Non. Mais si tu es prisonnier de guerre, tu le feras. Parce que tu ne veux pas mourir. Et pour ne pas mourir, tu ne te rendras pas compte que là, tu vis quelque chose qui n'a pas un ici qui, sans être prisonnier de guerre, accepterait de vivre. Prends les jeunes, mets-les en prison, torture-les, puis arrange-toi pour qu'ils puissent s'échapper en se gratignant un peu après les barbelés, et ils vont vouloir vivre dehors. Et prends-les à côté de leur Walkman, puis mets-les dehors, comme ça, puis ils vont carrément se suicider. Parce qu'ils n'ont pas encore goûté à la vie. Celui qui est en état de guerre goûte à la vie, parce qu'il peut la perdre régulièrement. Mais celui qui est assis dans son havre de paix chez lui, que telle société qu'on a aujourd'hui, bien évidemment, il ne goûte pas à la vie. Le seul petit goût qu'il a de la vie, c'est la peur de se faire violer une fois par vie. Hein? La peur de se faire voler. À peine. Alors, il regarde les films de guerre, il regarde les films d'horreur qui marchent suffisamment. Il regarde les journaux, il regarde ce genre de choses. Et comme ça, au moins, ben, il se rend compte que la mort existe. Oui, mais encore là, c'est à l'extérieur de eux. Ils le savent. Alors, évidemment. Ils trippent un peu là-dessus. Mmh. L'homme n'est pas conscient qu'il vit. L'homme est conscient qu'il est un mortel. C'est tout. Mais il y a une différence majeure entre être conscient que nous vivons, d'être conscient que nous pouvons mourir. Exactement comme c'est lorsque la nuit arrive que l'homme découvre le soleil. Lorsqu'il fait soleil, l'homme ne voit pas le soleil, il n'a pas de soleil. Lorsqu'un gros nuage arrive et qu'une ombre apparaît sur lui, ah ben là, il découvre le soleil. Il n'y a plus de soleil, mais c'est là qu'il découvre. L'homme a toujours ce phénomène, d'inconscience, que lui appelle la conscience. L'homme vit dans son phénomène, dans son schéma mémoriel, et continuellement, il se confronte à ses mémoires, plutôt que de se confronter à la vie, donc à la réalité. Alors, l'être humain évolue pourquoi? Parce qu'il est tanné de souffrir, parce qu'il a peur de certaines choses, et c'est ce qui pousse l'être humain à couper dans le derrière, à vouloir s'améliorer. Pourquoi l'être humain va aller au ciel? Pour plus souffrir. Pas parce qu'il y a une intelligence quelconque à faire ça. Non, non. Pour plus souffrir. Pourquoi l'être humain veut augmenter son schéma vibratoire? Pour plus être malade. Pour pouvoir s'auto-guérir. Pour guérir les autres, donc plus souffrir, les voir souffrir. Mais il n'y a pas d'intelligence dans l'évolution. Il y a simplement une fuite de l'involution. Alors, étant donné que l'être humain évolue en fuyant l'involution, ben, il ne sait pas où ce qu'il va. Il est prêt à accepter n'importe quoi. Tandis que n'importe quelle perche, il va essayer de s'accrocher après. Et plus elle sera gluante, plus il mettra d'énergie à s'agripper après. Et l'homme ne sait pas. C'est pourquoi d'ailleurs que l'homme fonctionne avec la croyance ou la foi. C'est que l'être humain ne sait pas, il ne voit pas. Pourquoi veux-tu aller au ciel? Ben, je ne veux pas l'homme en faire. Oui. C'est pas une raison intelligente, c'est une raison émotive. Dans l'Antiquité, l'être humain n'ayant pas de cerveau suffisamment élaboré, ne pouvait pas comprendre une chose par la logique ou par l'intelligence. Alors évidemment, les intelligences qui ont archétypé le monde de la mort, le ciel, pour permettre aux humains d'avoir une sorte de référence de leur être-té, de leur état, ont évidemment orchestré ce phénomène de croyance ou de foi. Tu ne peux pas comprendre, ben, aie au moins foi. Crois. La croyance, elle permet d'ouvrir un monde à celui qui n'a pas la faculté de pénétrer dans ce monde. Celui qui croit n'est jamais dans le monde qu'il croit. Celui qui croit en Dieu n'est pas Dieu, ne connaît pas Dieu, ne sait pas Dieu, n'a pas vu Dieu. Celui qui croit en la réincarnation n'a pas vibré la réincarnation. Mais la croyance, elle permet d'ouvrir à l'homme un monde qui échappe à l'homme. L'homme ne peut pas vivre dans sa croyance. L'homme peut vivre croyant. Mais moi, je veux croire à mon expérience évolutive, par exemple. Oui, mais tu ne peux plus rentrer dedans non plus. Ton expérience évolutive, tu ne peux pas jouer dedans. Elle est mémorielle, elle est spéculative, elle est du passé, elle est morte. Elle est morte, mais on peut la rendre vivante. Non. Tu vas être capable de vivre quelque chose. Par exemple, je prends le verre d'eau, je bois. Alors, on peut dire, oui, tu savais donc que c'était de l'eau, donc tu as rendu vivant de la mémoire. Non, j'ai rebu de l'eau pour une fois, une autre fois. Et c'est ça qui était vivant. Parce que je fais référence à mes mémoires, je suis convaincu que j'ai refait quelque chose. Mais quand j'étais enfant et que je prenais un verre d'eau, j'avais pas le contrôle que j'ai maintenant de prendre un verre d'eau. Alors, cette expérience, elle me permet aujourd'hui de prendre un verre d'eau puis de prendre toute l'eau qui va avec. Ce n'est pas l'expérience. C'est le résultat de l'expérience. Et le résultat de l'expérience, il est vivant. Il est instantané. C'est le résultat de l'expérience qui te permet ceci. Mais l'être humain ne se fout du résultat de l'expérience. Il parle de l'expérience. Il parle du passé. Le passé nous permet de mieux vivre. Comment interpréter à ce moment? Comment interpréter, évidemment, toutes les professions, tous les métiers où les gens ont de l'expérience? Est-ce qu'on doit dire que c'est cette expérience-là, qui est un cheminement, n'est pas valable? N'est pas bon? On a déjà expliqué un phénomène assez intéressant, celui de l'élevage d'éléphants. L'éléphant sauvage, tu l'attrapes, tu lui mets une grosse chaîne autour de la patte, tu l'attaches après un arbre. Chaque fois qu'il veut se sauver, ça ne marche pas. Lentement, il acquiert de l'expérience. Ça fait mal, etc., etc. Alors, après 6-7 mois d'expérience, ben, l'éléphant, tu peux lui ôter la chaîne, tu peux lui mettre une petite corde, l'attacher pour un petit piquet. Et vu qu'il a l'expérience que toute fois qu'il essaye, ça fait mal puis qu'il ne peut pas, ben, il essaye plus. Alors, l'éléphant qui est dressé, on l'attache avec une petite corde que tu pourrais casser toi-même. On le plante, on met ça après un petit piquet au sol. Puis, si l'éléphant oublierait son expérience, bien évidemment, il réessayerait de partir. Évidemment, il partirait. Mais l'éléphant, sachant très bien que ça ne sert à rien, c'est comme les clôtures à vaches. C'est un peu comme la société. La clôture est électrique. La vache qui ne connaît pas la clôture mord dans la clôture. Et elle découvre en même temps que la clôture l'électron. Bon, elle prend une charge électrique. Par la suite, tu peux mettre une clôture qui n'est pas électrifiée et la vache sait très bien qu'elle est électrifiée. Si elle aurait une conscience, elle dirait « Je suis pas folle. » Je le sais. Mais oui, mais... Mais elle n'est plus électrifiée. C'est un semblant de clôture. Alors, l'expérience va nuire autant à l'humain qu'il va l'aider. Mais c'est l'idée que l'être humain vit toujours dans son passé. L'expérience est utile quand tu revis dans ton passé. L'expérience est utile quand tu refais inlassablement les mêmes phénomènes. Mais pas du tout, parce que l'expérience peut servir aussi à résoudre un problème qui se présente. On va chercher quelqu'un d'expérience, justement, parce que lui, il a une perception plus élargie. Non, parce que lui a une expérience dans le problème que tu as. C'est pour ça que tu as cherché quelqu'un d'expérience. Si tu as un problème de mécanique, tu ne vas pas chercher un électricien d'expérience. Non, ça va de soi, mais... Tu cherches un mécanicien d'expérience, parce que lui, il refait les mêmes choses. Mais lorsque son enfant rentre avec un bras cassé, ben là, il faut qu'il cherche un autre bonhomme d'expérience. On appelle ça la spécialisation. Mais cette expérience, elle peut s'accumuler au niveau de la mémoire, mais est toujours utile pour aller plus loin. Je vais donner un exemple. Elle est utile pour aller plus loin? Non. Non. Elle est utile pour sécuriser l'homme. Elle n'est pas utile pour aller plus loin. C'est d'ailleurs ça qui empêche l'homme d'aller plus loin. L'expérience empêche l'homme d'aller plus loin. Elle n'aide pas l'homme, elle l'empêche d'avancer. L'enfant, il est zéro. Aucune expérience. Alors, il suce les bâtons du respirateur à sa mère, de l'aspirateur préféré. La mère sait qu'il y a plein de microbes. L'enfant ne le sait pas. Puis l'enfant ne s'en doute pas malade non plus. Bon. L'enfant s'amuse un peu partout. Il découvre un monde. Plus il découvre le monde, plus il restreint sa découverte. Il devient expérimenté. Plus il vieillit, bien, plus il a peur de découvrir. Il devient expérimenté. À un moment donné, il a tellement peur que... Il ne peut pas dire qu'il a peur. Alors, il dit « Je suis sage. Je me suis assagi maintenant. Je ne fais plus de folie de jeunesse. Ben, » T'es expérimenté. Alors, quand le jeune dit « Je vais me lancer dans une entreprise. » L'expérimenté, il va dire « Non, non, moi, j'ai essayé ça deux fois, tu sais, puis je manquais mon coup. Essaye pas ça. Trouve-toi un job stable à la place. Puis, tu sais, fais-toi un gars d'expérience. » C'est pas parce que ça fait 50 ans que tu travailles mal que tu travailles bien. C'est ça l'expérience. Tu as 50 ans d'expérience de mal fonctionnement au niveau de la vie, c'est pas ça qui fait que tu vis mieux. Oui, mais une expérience, c'est pas toujours négatif. L'expérience est toujours positive pour l'ego, mais elle est toujours anti-évolution. Mais oui. Il n'y a pas moyen. Attendez une minute. l'expérience, dans la recherche, on expérimente justement. Oui, parce qu'on est con, alors on expérimente des choses. Pour trouver des choses, pour trouver des phénomènes qu'on ne pourrait pas percevoir autrement. Pour trouver des phénomènes, pour accepter des phénomènes qu'on a trouvés. L'acupuncture, ben pour la trouver, il fallait expérimenter. Il y avait 3 000 ans qu'en Chine, ils l'expérimentaient pas, ils s'en servaient. Mais nous, il fallait expérimenter, il fallait un instant, le charlatan. Alors, on a inventé des machines, on a inventé des hommes-maîtres plus précis, plus puissants. Encore là, que c'est même pas vrai, la science n'a rien inventé. Ce sont les acupuncteurs qu'il a fallu qu'ils se démerdent pour expérimenter l'acupuncture, pour le prouver aux cartésiens, aux intellectuels, enfin aux scientifiques. Mais elle existait depuis longtemps. L'expérimentation fait quoi? Elle permet à l'homme d'accepter quelque chose. Est-ce que les ovnis, ça existe? Mais tant qu'on n'aura pas suffisamment expérimenté le phénomène ovnique, ben on ne pourra pas dire que ça existe. C'est pas parce que tu l'expérimentes qu'à un moment donné, ça apparaît. C'est parce que tu l'expérimentes qu'à un moment donné, tu acceptes que ce soit là. Mais l'expérimentation, c'est quoi d'autre? Des grands-mères, dans l'Antiquité, guérissaient leurs enfants avec n'importe quoi. Ils savaient. Là, on a expérimenté maintenant, on en est rendu que l'accouchement, ça devient un acte médical. Partout sur la planète, ça accouche sans problème, mais ici, non. C'est illégal d'accoucher à la maison. Les sages-femmes sont pas assez sages. Il y a toute une panoplie de bebelles. C'est sûr qu'un enfant qui veut sortir, je sais pas moi, deux jumeaux qui se battent pour sortir, ça demande peut-être un arbitre, un médecin. Mais à part de ça, non, il n'y a aucun problème. Sauf qu'aujourd'hui, on en est rendu. La mère n'est pas expérimentée. T'sais, la génétique, 3-4 millions d'années de génétique ne savent pas encore comment enfanter un enfant. Bon. Les souris le savent. Mais les femmes, non. Bon. Alors, il faut un homme ou une femme, un médecin, n'est-ce pas, qui, lui, est spécialiste, qui, lui, a l'expérience. D'où vient l'expérience? Y a-t-il fallu qu'à un moment donné, dans l'Antiquité, je sais pas moi, avec Adam et Ève, ils ont eu, je sais pas moi, 8-9 fausses couches, 4-5 morts-nés, puis pour arriver à savoir comment mettre un monde qui a de l'allure? tu prends une femme, tu la fais accoucher quelque part dans la forêt, bon. Et tu auras presque autant de mortalité infantile dans la forêt que tu en as dans nos hôpitaux. Oui, mais à ce moment-là, est-ce que l'expérience procure une certaine connaissance qui va faire en sorte que l'homme, lui, au lieu de recommencer toujours la même, d'utiliser toujours la même solution, d'arriver toujours au même... Non. Lorsque la souris veut grignoter un morceau de fromage, puis qu'elle a 8 portes en avant, elle acquiert de l'expérience. Alors, elle touche une porte, elle a un choc électrique sur le nez. Bon, là, elle se dit rien, elle comprend rien. Elle touche une autre porte, ça recommence. Elle en touche une, ça s'ouvre, il y a un morceau de fromage. Après un bout de temps, elle finit par connaître toutes les portes qui sont électrifiées et elle a maintenant de l'expérience qui lui permet d'être plus efficace puis d'ouvrir celle-là. Fais une chose, par exemple. Change la porte, mets le fromage ailleurs. Bing, elle se fait encore avoir. C'est de même que l'homme fonctionne. L'expérience n'amène pas l'être humain à évoluer. L'expérience donne, disons, l'apparence extérieure d'une évolution. L'expérience de l'humanité fait quoi? Fait qu'on a des armes nucléaires, fait qu'on a des armes de plus en plus sophistiquées pour entraîner la paix, fait qu'on a un paquet de règlements, de lois et de ceci et de cela, hein, des règles qui disent qu'on doit respecter les règles. Et puis, comme tu vois, à un moment donné, des panneaux, là, un peu partout, interdiction absolue d'interdire quoi que ce soit, enfin, dans le genre. Bon. L'être humain a de plus en plus, avec son expérience de choses qu'il appelle des connaissances. Parfait. Sauf que l'être humain, avant, prenons l'exemple du singe. Le singe est capable de mémoriser. Le chien peut mémoriser. Et l'homme peut mémoriser. Ils ont donc tous de l'expérience. Le chien expérimenté sait comment mordre. On peut le dresser à l'attaque et à l'obéissance. Bon. Et il peut faire des choses. Il mémorise. On prend un ordinateur, on lui met un paquet de choses dedans. Des mémoires. Après ça, on donne une claque dessus. Ben, il ne sera pas choqué. Même s'il a tous ses mémoires, s'il n'a pas un programme à se choquer, l'ordinateur ne pourra pas se choquer. Sauf que le phénomène qu'il y a, c'est que l'ordinateur n'arrivera jamais à pouvoir s'auto-programmer. Tandis que l'homme le fait. Le chien s'auto-programme quelque peu. Mais le chien, avec son expérience, n'arrive pas à être intelligent. C'est-à-dire, il n'arrive pas à faire ce que l'humain fait. Les animaux, même s'ils ont de la mémoire, l'éléphant, vous savez que l'éléphant a une mémoire phénoménale, il ne se trompe jamais. L'éléphant n'est pas intelligent. Le dauphin n'a pas, il y a une programmation génétique intéressante pour certaines raisons, parce que le dauphin, il y a de cela, belle lurette, et devait pousser l'homme à grimper sur le sol. Tandis que le requin devait le bouffer lorsqu'il le revenait, c'est une chose. Mais le dauphin, malgré qu'il a une intelligence extrêmement restreinte, il n'est pas intelligent au sens humain. Pourquoi? Pour la simple raison que le corps physique de l'homme a une évolution adaptative à la Darwin. Mais l'homme, lui, a une évolution améliorative, autrement, au-delà de l'évolution darwinienne. Il n'évolue pas comme le singe, comme la tortue, comme l'iguane. L'homme évolue comme l'homme. Mais qu'est-ce que c'est qu'une évolution humaine? Dans l'évolution de l'homme, il y a... Qu'est-ce que c'est? Il y a toujours... Qu'est-ce qui fait évoluer le plus l'homme? Lorsque l'homme en a marre, mais par-dessus la tête de son expérience et sa connaissance. Lorsque l'homme est tout à fait écœuré de la tradition, donc de l'expérience et de sa connaissance immédiate, qu'est-ce qu'il fait pour évoluer? Il fait une révolution. Lorsqu'il est rendu aux limites que la société lui permet de s'exprimer, etc. Non, lorsqu'il est rendu aux limites de ce que l'esprit veut endurer chez lui comme bêtise puis comme aberrance. Alors l'être humain finit par... Il y a des choses nouvelles qui apparaissent chez lui, il y a des cristaux nouveaux qui sortent. Puis l'être humain envisage d'autres choses, d'un coup ça, il tente de renverser le régime, de tout démolir, là, il veut mettre quelque chose de neuf. Il veut pas. Prenons l'exemple. Il n'y a jamais aucune nation, à part évidemment si c'est un putsch militaire ou une guerre sainte, il n'y a aucune nation qui, à un moment donné, retourne en arrière. Ici, on a la démocratie. On a une démocratie qui est essentielle et qui doit, et comme preuve, donc pour que la démocratie soit là, il faut qu'on ait des preuves de la démocratie. L'une des preuves, c'est les syndicats. Bon. Le syndicalisme a aidé l'humain à devenir libre. Aujourd'hui, le syndicalisme envoie les sociétés en faillite. Pas tous les syndicats. Enfin, pas tous les syndiqués, mais beaucoup de syndicats. Mais on ne peut pas abolir un syndicat, parce qu'abolir un syndicat, ça devient nationaliser le travail. Donc, on fait un retour en arrière, et ça, une société comme la nôtre ne peut pas faire ça. Les communistes, eux, peuvent le faire. Vois-tu, en 1961, il y avait un bonhomme qui a enterré, qui a caché l'un des écrits de Karl Marx, prétendant qu'en 1980, l'URSS aurait le même potentiel financier et matériel que tous les pays d'Occident, enfin les pays américains et tout ça. En 80. On peut regarder qu'en 87, c'était pas encore fait. Eux ne peuvent pas retourner dans un empire de tsar. Maintenant, il leur reste à arriver à être démocrate. Ça va venir dans 25 ans d'ici à peu près. Bon, après avoir fait un peu d'expansion, disons, nationale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme, nos sociétés, tous ces phénomènes-là ne reculent jamais en arrière. Et qu'est-ce qui fait que l'homme évolue? C'est la révolution. Continuellement. Ne regarde tout ce qui a fait faire avancer l'humanité. Une guerre, c'est une révolution. Bon, on connaît l'effet de la Première et Deuxième Guerre mondiale sur notre technologie, sur... C'est le changement des règles, finalement. Oui. Lorsque l'être humain décide que tout ce qui est là, c'est plus ça. Mais c'est pas les personnes âgées qui décident ça. C'est toujours les jeunes. Pourquoi? Parce que le jeune ramasse l'expérience du passé, mais avant qu'il soit expérimenté, il y a des mécanismes chez lui, des mécanismes évolutifs amélioratifs qui lui permettent de faire un pas en avant dans l'évolution avant que l'expérience vienne complètement l'étouffer. Et à un moment donné, il ne peut plus vivre en résonance avec l'expérience traditionnelle de l'époque. On appelle ça aussi les fossés de génération lorsque ce sont des petites révolutions. Et il doit tout renverser. Le problème, c'est que renversant tout, il expérimente la révolution. Expérimenter la révolution, il devient expérimenté comme révolutionnaire. Puis une fois que la révolution finit, bien là, ça redevient stable. Et puis on arrête d'évoluer pendant encore un bout de temps. Il faut bien comprendre que le fait que vous appreniez que le feu, ça brûle, c'est pas de l'évolution. L'homme des cavernes l'a appris, puis l'homme d'aujourd'hui l'apprend. Mais si l'homme des cavernes l'apprenait, puis c'était de l'évolution, on le serait à la naissance aujourd'hui. Mais c'est pas de l'évolution. Tu apprends à conduire une automobile, c'est pas de l'évolution. C'est une évolution adaptative, oui, dans le style darwinien. Donc, on pourrait appeler ça une programmation qu'il faut toujours refaire à chaque individu qui vient au monde. Exactement. Alors que lorsque ça devient génétique, là, c'est une autre chose. La génétique est quand même... L'expérience peut être transmise par la génétique, l'expérience des maladies, par exemple. Tu expérimentes des maladies coronariennes et puis tes enfants sont déjà sujets génétiquement à être atteints de même pathologie. Tu as différentes formes d'expériences qui peuvent être cellularisées, donc génétiquement mémorisées, et être transmises aux enfants. Une chose qui permet à la race biologique d'évoluer plus rapidement au niveau neurologique et au niveau, évidemment, antipathologique. Surtout, ça va de plus en plus, disons, être accéléré au niveau de notre évolution planétaire. Mais l'évolution de l'homme, ce n'est pas ça. L'évolution réelle de l'homme, c'est la faculté que pourrait avoir l'humain à un moment donné de pouvoir s'asseoir sur une chaise, de pouvoir se poser une question et de pouvoir se répondre. Pas répondre, fouille dans tel livre. C'est ça que je veux dire. D'amener une réponse totale, complète et parfaite dans l'instant présent, hein, elle peut être remise en question dans 2 heures. Ça n'a rien à voir. L'être humain doit rester vivant. Alors, l'être humain peut s'asseoir, il peut se poser n'importe quel genre de question, il se répond immédiatement. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est du savoir. Il n'a pas besoin d'expérience pour le faire. À quoi sert l'expérience des religions, des cultes, des écoles ésotériques et de ces choses-là? Mais lorsque une personne... Bon, je le poserai après. Lorsqu'une personne fait ce que tu viens de dire... Toujours se renouveler, que même... Mais pas ça... se renouveler, c'est une farce, c'est une connerie de la psychologie contemporaine, le renouvellement. Tu restes vivant, tu ne te renouvelles pas. Donc, lorsqu'on est vivant, on demeure toujours vivant, on ne peut pas accumuler de mémoire, donc on ne peut pas faire référence à aucune mémoire, ni écrite, ni quoi que ce soit. Ce qui fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce que l'on peut apporter dans une société que l'on construit? Bon, ça, c'est la question de l'ego sociétaire. L'homme nouveau va-t-il encore nous aider, nous autres? Non, mais ce n'est pas dans le sens de l'ego, de la société égoïque, mais dans le sens de la société des individus. Bon, je vais corriger 2 choses. Premièrement, celui qui évolue, prenons l'exemple, disons, de l'homme nouveau, de la femme nouvelle pour l'instant, parce que c'est l'étape, prochaine de l'évolution nord-planétaire, ils vont continuer à pouvoir accumuler de la mémoire. Premièrement. Deuxièmement, ils vont être capables de faire référence à leur mémoire aussi, sauf qu'ils sauront consciemment toujours qu'instantanément, ce qu'ils font présentement est une référence mémorielle. Tandis que l'homme d'aujourd'hui ne sait pas qu'il fait référence à ses mémoires. Demandez si sa mémoire, elle est, si tout ce qu'il y a dans sa mémoire, c'est quelque chose de vrai puis de vivant, il va te répondre oui. Il va quand même savoir que c'est une mémoire. Il va dire, oui, je me rappelle que, ah oui, dans tel cas, etc. Oui, mais dis-lui que la mémoire, c'est quelque chose de mort. La mémoire, ça n'existe pas, la mémoire. Le phénomène mémoriel existe, mais ce qui est mémorisé n'existe plus. Ça n'existe plus, ça n'existe pas. Ben ça, l'homme n'est pas prêt à accepter ça, parce qu'il fait tellement référence à ses mémoires, qu'il s'identifie tellement dans ses mémoires que ça équivaut pour lui de se faire dire que tout n'existe pas. Tant que toi, tu es mémoriel, effectivement, tu n'existes pas, pas au niveau de la conscience. Ton corps physique est là, mais tu n'en as même pas conscience. Tu as conscience de ton corps physique aujourd'hui, mais pas là. Alors, tu n'es pas dans une instantanéité. L'être humain, vois-tu, à quoi sert les sectes, les ésotéristes, les écoles traditionnelles? Vu que c'est une expérience, une mémorialisation de l'évolution. Parce qu'il y a deux formes de mémoire. Il y a la mémoire intellectuelle, cartésienne, qui est une mémoire technique, logique, qualitative, quantitative, et il y a la mémoire théologique, intuitive, qui est une mémoire qui est de l'impalpable, une mémoire archétypale, une mémoire psychologique, une mémoire amique. Alors, on sait très bien que la mémoire technique, elle permet à l'être humain, prenons l'ingénieur, le dessinateur et, enfin, ces personnages, qui se servent d'une mémoire d'intervention tout à fait technique pour leur permettre d'avoir une idée, une apparence d'efficacité dans leur domaine. Un instant. Ces personnages sont tout à fait limités. Pourquoi? Parce que, vu que la vie est une chose, ils essaieront toujours d'expliquer la vie à partir de ce qu'ils ont en mémoire. Ça, on le sait. Hein? Alors, si un enfant vient voir papa qui est mécanicien depuis 30 ans, et puis qui demande d'où viennent les enfants, ben, il va y parler peut-être d'une chaîne de monteurs. Bon, sauf évidemment si le père a une éducation qui lui amène d'autres expériences, mais reculons de quelques années, puis on peut constater que le chimiste va parler de l'enfantement d'une façon chimique, que le physicien d'une façon physique, que le sexologue d'une façon sexuelle, que le théologien d'une façon divine. Bon, c'est évident, l'agriculteur, celui qui a inventé les roses et les choux. Bon, hein. Il expliquait ça d'une façon agricole. Bon, on parlait d'une culture cultivée, bon. Lorsque l'être humain est spécialisé, il explique toujours la nouveauté à partir de sa spécialisation, ce qui crée un problème. Parce qu'il a un point de vue très limité qui ne lui permet pas d'englober l'instantanéité. Prenons un exemple qui est intéressant au niveau mémoriello-théologique. C'est celui de François d'Assise. Il n'avait aucune expérience théologique, il n'avait aucune expérience de quoi que ce soit, mais il a quand même été instruire le pape. Et toutes les personnes qui étaient là, ça avait une expérience particulière. Ceux qui rentrent au Vatican doivent être riches, bien habillés et sentir bon, enfin, pu et bon. Dépendant des goûts. Bon. Parce qu'il y a des parfums, c'est pas génial. Bon. Alors que lorsqu'ils sont rentrés, lui et sa gang de tout nus, sont rentrés au Vatican, alors évidemment, les soldats qui étaient là, les soldats du Vatican, on veut les mettre à la porte. Et puis c'est le pape qui est intervenu. Parce que lui avait soudainement perçu la révolution du phénomène. Le Nazaréen vient sur la planète et dit quelque chose. 2000 ans après, on répète la même affaire, sauf que exactement comme si tu disais, donnez aux pauvres. Tout le monde est prêt à le dire. Plus tu es riche, plus tu le dis. Pourquoi? Parce que ça devient tellement expérientiel, tellement traditionnel, que tu ne vis plus ce que tu es. Parce que si tu le vivrais, tu te rendrais compte que donner où tu donnes, où tu fermes ta boîte. Mais tu t'en rendrais compte. On approche des fêtes. Combien de personnes vont exprimer l'illusion de la fête, alors qu'en réalité, ils ne la vivent même pas? Mais ils ne le sauront pas. Demande-leur, présentement, tu es malheureux. Mais si tu regardes la face dans le miroir, il y a un grand sourire. C'est ce qu'il exprime, mais ce n'est pas ce qu'il vit. Il va dire, non, je suis pas malheureux. Mais il l'est. Prends toutes les personnes qui fêtent Noël, puis c'est par là, mais là, tout seul dans un coin. Dépression totale, sa planète. Même en groupe, d'ailleurs, il faut absolument qu'ils boivent, puis qu'ils se... Bon. Alors, l'être humain, avec de l'expérience, n'est que... Regarde à quoi ça sert, l'expérience. L'homme, à la naissance, sort du ventre de la mère, normalement, n'est-ce pas? Par les voies naturelles ou par les voies expérientielles, là où il y a de l'expérience. De temps en temps, on fait des césariennes parce que c'est plus pratique. Bon. Donc, l'enfant sort tant bien que mal. Et puis, dans la salle à épouvante à fœtus, on l'a déjà dit. Et lorsque l'enfant vient au monde, il ne sait rien. Mais il pleure, il respire, il tousse. Donc, il y a des choses qui se passent que lui n'a pas expérimentées, qui sont transmises par la génétique, l'expérience génétique. On place l'enfant sur le ventre de sa mère et il va évidemment chercher le sein. Il va téter. Il va téter sans s'étouffer. Il va être capable de téter. L'enfant va donc, sans avoir comme tel expérimenté quelque chose dans la vie, savoir instantanément ce qu'il doit faire. Si on fait référence aux oiseaux, aux petits moineaux, ben, ils sont capables, sans l'avoir expérimenté, ils sont capables de bâtir des nids, de couver. Ils savent comment couver. On a plein d'oiseaux qui ont déjà couvé. Ils savent comment couver, mais ils n'ont pas appris. Mais ils savent. Sauf que l'être humain, lui, il ne sait rien. Il ne sait rien. L'être humain sort, il tombe à terre. Il ne sait rien parce qu'on lui empêche de voilà. Savoir quelque chose. Pourquoi il ne sait rien? Parce qu'on l'empêche de savoir. C'est-à-dire qu'on veut qu'il connaisse. Si on dit, ben, on a des enfants tous aussi parfaits les uns que les autres, mais imparfaits du point de vue des autres. Bon. Alors donc, l'enfant, justement, l'enfant n'a pas le droit de brouter de l'herbe. Parce que c'est caca, c'est ceci, c'est cela. L'enfant n'a pas le droit d'essayer de boire de l'eau avec de la terre dedans. Parce que tu amènes l'enfant à la table, il met ses patates pilées dans son verre d'eau. Il y en a qui ont déjà connu ça. L'enfant veut boire ça. Puis là, ça se fait pas. L'évolution, c'est la possibilité qu'a un cerveau humain, les animaux, les ordinateurs et l'homme peut mémoriser. Sauf que l'être humain est le seul animal, si on veut appeler ça animal tant qu'il reste hors contact avec cet état, lorsqu'il entre en contact avec ce phénomène, il devient un humain, il n'est plus un animal. Dans un corps d'animal, peut-être, mais ça s'arrête là. Donc, l'homme est le seul véhicule planétaire qui a la faculté de se servir de ses mémoires expérientielles, donc de s'identifier dedans et de s'en servir, pour pouvoir adapter celle-ci, donc transformer celle-ci, à des événements neufs, réels. Ce que les animaux ne peuvent pas faire et ce que les autres ne font pas. Pas d'une façon aussi évidente que la nôtre. L'animal est toujours un être qui évolue d'une façon adaptative, tandis que l'homme, depuis déjà quelques milliers d'années, est un animal qui adapte, plutôt que de s'adapter. Alors, il y a donc un phénomène extraordinaire qui s'exprime par l'homme, qu'on peut appeler un phénomène d'énergie intentionnelle ou créatrice, mais c'est pas tout à fait les termes ne sont pas tout à fait justes. Alchimien, disons, transformateur. L'être humain se pose une question. Il a un problème devant lui. Le problème peut être le feu de sa maison. L'être humain qui a été éduqué à l'école conventionnelle et auquel on a bien dit qu'il devait apprendre des choses. Parce que s'il n'apprend pas les choses, jamais il ne saura. Il ne sera pas un savant, un connecté au savoir. Mais les savants, évidemment, sont connectés à leur passé, aux connaissances, à l'expérience. Si tu n'apprends pas toutes les choses à l'école, si tu n'as pas des bonnes notes, si tu n'as pas des petits collants, des petits dessins, si tu n'as pas des ceci, des cela, bien, plus tard, tu ne pourras rien faire. Programmant l'humain, donc, à faire référence absolue à son conditionnement, donc à ses mémoires, donc à son éducation. Lorsqu'il se prend dans la maison, bien, s'il ne connaît pas l'extincteur, s'il ne connaît pas il ne saura pas quoi faire. Il va savoir que l'eau est un feu, mais il ne saura pas que dans un cas d'incendie, il faut que tu mettes de l'eau dans le feu. Il ne saura pas. Il y a des personnes que le feu prend sur eux autres. J'ai déjà vu un. Le feu a pris sur le pantalon. Il était dans un carré de sable. Ben, il sautait debout. Puis quand le feu a pris, il était couché. Alors, couché, les flammes montent. Il se lève debout, les flammes montent. Alors, évidemment, ça a monté. Plus ça montait, plus qu'il sautait, plus qu'il courait. Plus qu'il courait, plus qu'il alimentait en oxygène le feu, Puis étant debout, les flammes montèrent, bien évidemment, ça a mis le feu partout. Ah oui, mais il n'avait pas appris, lui, que quand tu es dans le sable et que le feu pogne, tu mets du sable dessus, ça règle le problème. Il n'avait pas appris ça. Alors, il n'a pas pu le faire. Puis comme il disait à ses médecins, c'est pas de sa faute. Puis les spectateurs autour n'avaient pas appris non plus. Quand tu nages pour aller sauver un noyé, puis celui-ci veut s'agripper après tes lunettes, si t'as pas appris à le manquer, tu te noies avec. Jusqu'au jour où une personne qui sait nager s'en va dans l'eau et elle est puissante. Et puis là, la personne s'agrippe à ses oreilles, à ses cheveux, à son nez. Puis la personne étant puissante et étant un petit peu batailleuse, étant sachant, bon, bien là, quand la personne lui saute dessus, l'instinct, le réflexe, l'expérience de la bataille fait qu'il tape. Il bouge plus, là. L'instinct du sauveur revient, puis là, il se rend compte, parce qu'il a expérimenté, que non, que le gars, ça l'aide. Là, il le ramène sur le bord de la plage. Après ça, on en sanctionne un cours de sauvetage nautique. Si la personne crie trop, attendez qu'elle se noie. Après ça, elle a sauvé. Ou bien non, tapez dessus. Parce qu'aujourd'hui, avant de plonger, t'attends, là, tu sais, que ça... Là, c'est le temps. Avant ça, c'est pas le temps. Tu sautes dessus, ça grippe après toi. Bon. Alors, l'expérience de l'homme, c'est ce qui se passe. Sauf que pourquoi qu'un être humain, à un moment donné, ne serait pas capable, et ça s'est déjà vu, de se promener quelque part, de voir une personne qui se noie, puis d'attendre. Puis là, quand tu es insuffisamment noyé, là, quand il y a une demi-cuillère à thé d'eau dans ses poumons, là, bref, quand tu es en train de partir, ben là, il considère que c'est le temps. Qu'une personne arrive et puis voit quelqu'un qui défonce la glace, ben, sans jamais savoir, c'est qu'il n'aura pas sa glace comme ça. Il se met à plat ventre, puis il avance lentement, puis il écoute la glace. Il n'a pas appris, il sait. Il veut être capable d'enseigner, puis d'instaurer de nouveaux cours. La traumatologie qu'on a commencé à enseigner il y a quelques années à l'hôpital de Sacré-Cœur, et à un moment donné, il y a des médecins qui faisaient de la route, qui soudainement ont eu ce feeling de... Il y avait quelque chose, tu sais, tout le monde faisait les mêmes choses, mais c'était tout fait à l'avant comme je te pousse. Il poussait un blessé, c'est pas génial. À un moment donné, il y a des médecins qui ont commencé à vouloir structurer ce qui se passait, puis à y réfléchir. Qu'est-ce qui les a forcés, eux? C'est ça, l'évolution. Une mécanicité d'évolution. Vu que le médecin a maintenant juste goûté à ce phénomène, ou le savant, l'inventeur, par la suite, il fouille dans ses mémoires, il orchestre ses mémoires selon ce que l'intelligence est venue lui dire. Selon ce que son esprit, son intelligence à lui, est venu à un moment donné mettre une forme. Elle met une trame, puis après ça, le médecin ayant la trame, il a l'idée. Il reste rien qu'à mettre les choses à la trame, l'expérience. Là, il met l'expérience à la trame, puis après ça, il la confronte, il la vérifie. Pas tout à fait ça, il bouge les choses, mais la trame, il l'a. Là, il sait. Il y a beaucoup d'humains qui vont être capables, puis ça, la majorité d'entre vous, vous avez déjà tous vécu des phénomènes, justement, de contact avec votre propre esprit, donc des contacts évolutifs, où à un moment donné, tu ne sais pas. tu ne connais pas. Mais subitement, tu sais. Oui, mais tu sais, si... En supposant que l'on apprenne quelque chose de l'extérieur qui est utile, non. C'est quoi le phénomène qui fait que une personne dit « Moi, je n'ai pas besoin de rien apprendre, je ne vais pas à l'école, je suis pas de cours de rien, je vais tout savoir. » C'est quoi le kit? Bon, si la personne fait ceci, c'est qu'elle a juste le contact, elle a juste l'idée, elle a la vibration du fait qu'un jour, l'homme peut arriver à se savoir. Mais poser des questions, ça, c'est pas répondre, c'est parce qu'elle a besoin, c'est parce que présentement, elle se prend au sérieux. Si elle se prend au sérieux, c'est qu'elle a expérimenté la possibilité de faire une chose et elle se contente dans la possibilité de faire la chose. Et puis, ça finit là. C'est comme celui qui, un jour, va traverser les murs, il sait. Ben, moi, je traverse les murs, mais je prends la porte. C'est plus immédiat. Ben, il est convaincu que, tu sais, lui va être sauvé. Problème. Fait qu'il se fout de tout. lui, il se prend au sérieux, puis évidemment, il va peut-être être sauvé, mais il ne sera pas sauvé de lui, en tout cas. Il mais va peut-être se sauver. Tu disais tout à l'heure que lorsque on est vivant, on a une situation qui se présente, on a automatiquement une réponse, et qu'après, cette situation-là peut se représenter éventuellement. Est-ce que la personne va, ça, va utiliser... Faut pas qu'elle utilise ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a appris avant. C'est là le problème. Voilà, c'est parfait. Tu viens de résumer la conférence. C'est fini. Bonsoir. Regarde bien. L'être humain ne sait pas, l'être humain ne connaît pas, l'être humain n'a pas en expérience quelque chose. Et ça vous est arrivé souvent. Mais plus vous étiez jeune, plus ça arrivait. Puis à un moment donné, ben, tu n'as pas le choix, faut que, puis là, il se passe de quoi dans ta tête, à une vitesse phénoménale, tu ne penses pas, puis soudainement, tu as la réponse, là. Tu fais. Puis au fur et à mesure que les événements avancent, tu agis, tu fais. Celui qui réagit bien dans un hold-up, une caissière, par exemple, qui n'a jamais été hold-upée, mais qui réagit correctement, parfaitement bien, crée, mais t'as eu du courage, t'as pas eu le courage à broyer après. Parce que maintenant, elle fouille dans ses mémoires, puis là, elle voit un paquet de choses, puis là, elle tripe là-dedans. Mais elle n'a pas été courageuse, elle a été simplement une femme nouvelle, c'est-à-dire que le temps que ça s'est passé, elle était en contact avec sa propre intelligence, donc son esprit, et elle était capable d'être 100% efficace dans un événement tout à fait inconnu d'elle, inexpérimenté par elle. Le deuxième hold-up arrivant, elle devrait refaire la même chose, se centrer dans son intelligence et agir en fonction de ce qui se passe. Non, ce qu'elle va faire, vu qu'elle a été induite, donc instruite comme ça, lorsque le deuxième ou le hold-up vient, elle se rappelle ce qu'elle a déjà fait au premier, puis elle essaye de faire la même chose. Donc, elle a de l'expérience, déshabillons-nous pas. Elle a donc de l'expérience. Cette expérience va faire quoi? Va faire que si le hold-upé qui rentre, le gars qui fait le hold-up plutôt qu'il rentre, braque un revolver vis-à-vis une caissière, et elle se rappelle que la dernière fois, elle avait reculé lentement, ça n'a pas paru, puis elle avait pesé ses pitons, puis bon, etc. Elle recule lentement, puis elle tombe sur le dos d'un client en arrière qui est le complice de l'autre. Elle se fie à sa mémoire, mais si elle aurait été intuitive, donc instantanée, elle aurait perçu aussi, elle aurait tout compris. Elle n'aurait rien fait parce qu'elle n'avait rien à faire, elle n'était pas le bon pion sur le jeu d'échecs pour agir, il fallait que quelqu'un d'autre ailleurs agisse. Elle était mal placée. Mais vu qu'elle se fie à son expérience, elle va refaire la même chose. Ça, c'est le gros, gros problème. Celui qui, par exemple, s'en va en mer, par exemple, dans une course comme la Transat, il est en voilier. Il sait très bien que lorsqu'une tempête se lève, il y a des grosses, grosses vagues, et ces vagues peuvent venir déferler sur son bateau et tout casser. Alors, il laisse traîner une immense corde, par exemple un traîneur, dans l'eau. Et lorsque la vague touche cette corde, elle s'effrite sur elle-même et puis le bateau lève sur la vague, donc ça préserve le bateau. Mais à un moment donné, notre bonhomme ou notre bonne femme, l'équipage arrive dans une mer, par exemple, une mer corailleuse, où il y a des coraux. Les coraux sont quelque peu sous l'eau. Le bateau peut passer par-dessus. Il n'a pas un gros tirant d'eau. Mais qu'est-ce qui va arriver? C'est que toutes les vagues sont arrêtées. Les vagues, disons les lames, la profondeur de la lame, va être brisée par ces corails. Et ça peut créer différentes vagues qui arrivent maintenant de tout partout. Ah ben ça, si elle n'a pas expérimenté les tempêtes dans les mers de corail, ben là, ses cordes, elle les met où? Elle ne sait plus. Si elle met du poids, la corde s'accroche après les récifs, elle ne sait plus. Et les meilleurs marins, les meilleurs capitaines, les meilleurs pilotes de bateaux de l'Antiquité, ben eux, ils montaient sur le pont, puis ils sniffaient, puis ils faisaient rien, puis à un moment donné, ils donnaient des ordres, puis tout marchait. C'est comme ça qu'on a inventé. Tu sais, l'idée de mettre une corde dans l'eau pour briser une vague de 30 pieds qui vient vers toi, faut pas être wise, penser à ça. T'sais, tu laisses traîner une corde de 300 pieds dans l'eau, puis tu te dis, ça va me préserver des grosses vagues. Il n'y a pas un gars sur la planète, hein? Vous autres, vous savez pas ça. Fait que si on va sur un bateau puis qu'on vous demande de jeter ça à l'eau, vous allez rire, hein? Personne ne va vouloir le faire. Alors comment, à un moment donné, cela a-t-il été découvert? Ben, il y a un gars qui a eu le feeling qu'il a simplement fait ça. Puis les vagues sont tombées. Puis là, il s'est dit, c'est Dieu. Ou c'est... Puis à un moment donné, ben, il a refait, puis là, il l'a enseigné, puis ça s'est instruit, puis ça se promène un peu partout. Le Dieu s'était devenu lui. Ben, pour les autres. Si je prenais besoin sérieux, peut-être. Ça devenait des... On a eu des grands... On a eu de très grands capitaines, d'ailleurs, qui se sont pris pour des dieux. Et qui sont morts. Avec une jambe en moins. Bon. Une barbe bleue. Les champignons. Barbe bleue. Je ne l'avais pas souvent. Bon, ça l'histoire ne dit pas, hein? C'est une réserve. Alors, on continue. L'expérience. L'être humain, on va aller chercher un point de vue cosmique du phénomène. Il n'y a pas de terre, il n'y a pas de substance solide. Il y a quelque chose qui, dans notre vocabulaire, porte le nom de vibration. Une vibration est en réalité une perturbation d'un espace-temps, donc une perturbation avec déplacement, donc un déplacement vibratoire ou un déplacement perturbatif à l'intérieur de ce qui est de l'espace-temps, donc de l'espace de la matière, mais la matière n'est pas nécessairement révélée. La vibration, elle a la faculté de ralentir, de s'agglomérer, et s'agglomérant, elle va finir par créer ce que l'être humain connaît sous le nom de corpuscule, qu'on connaît aussi sous le terme photon, en regard de la lumière. Certains corpuscules vont être dynamisés, c'est-à-dire que lorsqu'ils vont se grouper, vont émettre à leur tour une vibration qui peut être connue sous le terme attraction magnétisme. Et d'autres corpuscules, comme le photon, entre autres, qui est un phénomène assez intéressant, l'électron circule. Une trajectoire qui est tout à fait droite, mais étant donné qu'elle est attirée par d'autres corpuscules, un positron, par exemple, le proton et le neutron qui constituent le noyau, la trajectoire droite de l'électron est déviée parce qu'il est attiré par le proton. Donc, elle va en cercle. Mais le photon, lui, est ondulatoire. C'est-à-dire que le photon ne va pas en ligne droite. Il va en ligne droite suivant une onde. C'est quelque chose d'assez intéressant. Lorsque l'énergie accumulée, donc lorsque la vibration, parce que la vibration est aussi synonyme d'énergie, c'est-à-dire que la vibration est l'expression de quelque chose, et ce quelque chose, nous l'appelons énergie. Et cette énergie porte le terme d'énergie, c'est l'exclusive condition qu'elle a la possibilité ou la propriété d'induire un mouvement mécanique, une altération dans un monde quelconque, en l'occurrence dans le monde scientifique, la matière. C'est une énergie. Ici, je viens de il y a de l'énergie potentielle, de l'énergie cinétique, de l'énergie actuelle. C'est transformé. C'est de l'énergie parce que ça peut opérer quelque chose, une transformation. L'essence est une énergie. Parce qu'il va obliger un mouvement. Bon, il y a une explosion, il y a ceci et cela. Le bois est une énergie, l'eau est une énergie maintenant, parce qu'elle peut fabriquer l'électricité, c'est-à-dire entraîner des retards d'un générateur ou d'un alternateur, un générateur plus souvent qu'autrement, pour créer l'électricité. Lorsque le neutron, lorsque le proton, lorsque notre électron sont constitués par cette agglomération énergétique, il reste toujours que ceux-ci vont dégager une autre vibration qui est un onde de forme, et cette vibration est le magnétisme qui va permettre la création et la constitution d'atomes, c'est-à-dire que l'électron lui-même, de par sa nature, est en déplacement vu qu'il est vibratoire, et il va donc tourner autour de notre noyau parce que le noyau l'attire à lui. Les deux forces vont s'opposer, l'électron reste sur un palier très particulier et il ne peut pas en sortir. À moins, évidemment, d'attraction de d'autres choses. On appelle ça une réaction chimique. Alors, on va prendre de l'acide sulfurique, on va prendre du sel et on va mélanger les deux. Et on aura un sel de sulfure, par exemple. Donc, il y a des mélanges qui vont pouvoir se faire. Lorsque Lorsque la constitution du corps apparaît, il faut bien comprendre que le corps physique, on dit que c'est un corps qui s'est fait de substances organiques. Mais la substance organique, c'est une substance chimique composée de carbone, entre autres. L'oxygène aussi. Donc, c'est des produits chimiques. Alors, présentement, ici, il y a différents corps physiques au niveau du point de vue de l'homme. Au niveau du point de vue du chimiste, il y a un paquet de milliards d'électrons qui gravitent autour de noyaux, qui sont agglomérés en molécules, qui constituent donc des formes dans lesquelles l'humain s'identifie le corps physique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps physique est constitué d'électrons et de noyaux, et que ceux-ci ont un nombre de formes qui dégagent un électromagnétisme, qui est l'attraction qui va pouvoir créer les liaisons atomiques, les liaisons moléculaires, comme les liaisons covalentes, par exemple, et ce genre de liaisons chimiques. Ça constitue une liaison suffisamment puissante que si on tire dessus, ça ne veut pas se lâcher. Si on prend quelque chose de plus faible, dont les liaisons sont plus fragiles, si on tire dessus, ça se lâche. Maintenant, si on augmente la quantité de molécules, donc d'électrons qui se tiennent ensemble, et qu'on tire dessus, ben là, évidemment, il faut mettre pas mal plus de force. Ça ne fonctionne plus. Le couteau a la faculté de faire quoi? Une lame tranchante a simplement la faculté d'aller opposer une réaction mécanique, donc cinétique, à une très minuscule partie d'électrons donc qui se tiennent ensemble. Alors, un couteau va couper, tandis qu'une lame pèse de même, ne coupera pas grand-chose, elle va écraser tout. C'est la feuille, hein? C'était. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain est constitué d'atomes, donc de molécules, qui émettent différentes formes de vibrations. Ils émettent de l'électricité. L'être humain est un conducteur d'électricité. L'être humain est un conducteur de chaleur. L'être humain est un conducteur de plusieurs choses. L'influx nerveux, qu'est-ce que c'est? C'est de l'électricité, disons, c'est de la chimio-électricité, parce que ce n'est pas tout à fait électrique, mais en même temps, ça a la même connotation atomique dans le déplacement que le déplacement électrique dans un conducteur métallique. Bon. L'être humain a ce corps physique qui est atomisé, donc qui est régi par les lois de l'atome, les lois moléculaires, les lois donc chimiques et physiques. Ça, c'est bon pour le véhicule. Maintenant, ce phénomène qui retient les atomes ensemble et qui constitue les molécules ensemble est ce que nous appelons le plan vital, ou le plan, disons, intra-atomique. Le plan vital qui serait relié aussi à une certaine programmation, parce que l'homme ne va pas ressembler à un chien. C'est tout à fait programmatif. C'est ce qui va constituer la forme. Maintenant, selon la possibilité vibratoire, parce que dans le domaine de la matière, là où l'énergie vitale, c'est-à-dire que là où la vibration de vie, donc d'animation créatrice, commence à apparaître, la première fois où elle va apparaître, ça va être dans les ondes hertziennes, les ondes radio. Par la suite, elle va apparaître presque instantanément au niveau des ondes photoniques, des ondes lumineuses. Et par la suite, on va avoir une dégradation jusqu'à la matière hyperdense, comme le plomb et comme l'or, ces choses-là. Mais au-delà des ondes hertziennes, il y a aussi de cette vibration. Les ondes hertziennes vont à la même vitesse que la lumière, même si les ondes hertziennes ne sont pas de la lumière. Bon, alors la lumière, on sait que ça voyage très vite, la lumière, c'est 300 000 km à la seconde. 592,5 km à la seconde. Et lorsque cette lumière voyage, on a l'impression que c'est la vitesse maximum que l'être humain ou que la matière peut aller chercher. C'est un fait parce qu'au-delà de la vitesse de la lumière, ce n'est plus de la matière, c'est de l'énergie vitale, c'est donc de la vie. L'énergie vitale, il est dans le corps physique parce qu'il permet la constitution atomique d'un corps et la mémorisation constitutionnelle de ce corps, c'est-à-dire que tu restes fondamentalement ce que tu es, c'est-à-dire donc que tu prends de l'eau, puis il n'y a pas une affaire qui apparaît là. Puis quand tu manges, ben ça, tu restes toi. Tu digères les atomes, donc les molécules, selon ton propre plan vibratoire vital. Tu vas les transformer, les assimiler, créer des protéines, créer des choses que tu as besoin, et ça va servir à une transformation calorifique, par exemple, en énergie, pour pouvoir te permettre de continuer à fonctionner, et le reste, tu vas le rejeter avec les ondes de forme qui ne te sont plus utiles. On appelle donc ça le phénomène de l'excrétion. Maintenant, le corps vital de l'homme a la faculté vibratoire d'être en contact, c'est-à-dire de vibrer à un point tel qu'il peut mémoriser un autre phénomène. Cet autre phénomène n'est plus atomique, mais est énergétique exclusivement, et c'est le phénomène amique. Donc, il y aura la constitution de mémoire de l'âme qui va, elle, contenir des mémoires volatiles, l'expérience de l'âme. Et cette expérience contenue là-dedans n'est pas de l'évolution. Plus l'âme grossit, plus l'âme accumule de ses mémoires volatiles, donc de cette expérience, plus l'âme, donc plus l'homme, a la faculté d'être efficace dans le domaine qu'il a à l'intérieur de lui. Mais il n'est pas évolué pour autant. Il a expérimenté. Il a de la connaissance. Il n'est pas évolué, il n'a pas de savoir. Celui qui a ça peut être évolué, mais l'évolution n'est pas reliée à cette mécanicité de savoir. Tu peux tout lire, tout lire, tout lire, tu connais tout. Tu as souffrir, tu as broyer, tu as t'ennuyer, ça ne changera rien. Il n'y a pas d'évolution là-dedans. Bon. Cet âme, cet égo va s'exprimer par le corps physique, par différents mécanismes, différentes voies, en l'occurrence les voies thalamiques et hypothalamiques au niveau du cerveau. Cette vibration, elle est d'un autre ordre aussi. Elle permet l'agglomération, donc l'attraction de vibrations qui vont lentement être capables d'orchestrer un phénomène nouveau chez l'homme que vous connaissez bien, parce que, bon, vous êtes des hommes nouveaux par rapport à l'Antiquité, à l'homme du Néandertal et l'homme du Cro-Magnon. Bon, ce qui va arriver simplement, c'est que cette mémoire, cette énergie qui est maintenant habite l'homme, va le différencier des animaux, c'est-à-dire que l'homme est capable de supporter le corps de l'homme, le corps vital de l'homme, l'âme de l'homme est capable de supporter par un contact que l'être humain a eu avec un plan, disons, cosmique en Lémurie. C'est là que la Genèse de la Bible commence, elle parle de la création de l'homme. En réalité, il y a eu procréation de l'homme. Bon. Lorsque l'être humain entre en contact avec une vibration génétiquement supérieure, et là, c'est donc le mariage, si on peut dire, de la race adamique, la race violette, avec la race animale humaine, ce qui va engendrer l'homme. Et on parle donc de Lucifer, de la décadence de l'être humain. Lucifer est un guide de lumière, un être de lumière. La vibration de tous ces guides de lumière de l'époque, la race adamique, a permis à l'homme génétiquement de pouvoir maintenant supporter une vibration plus haute. Cette vibration plus haute supportée à l'intérieur de l'homme lui amène à pouvoir orchestrer, disons, d'une façon associative, ses mémoires. Et ça va entrer en contact avec un phénomène neuronique qu'on va appeler le cortex associatif, c'est-à-dire le néocortex, le nouveau cerveau chez l'homme, qui va grossir, et les animaux ont un archéocortex, ont donc un vieux cerveau, ils ont des choses comme ça, mais surtout chez l'humain qu'on va voir à l'apparition de ce nouveau cerveau. Donc cette vibration va être capable d'avoir une correspondance physique où elle va agglomérer les molécules donc chimiques de l'homme pour lui permettre de constituer un phénomène neuronique et glial, un cerveau plus capable d'associer les choses. Ce cerveau associatif vibre, il est atomicisé, c'est-à-dire que c'est créé par des phénomènes de carbone, il y a de l'eau là-dedans, donc il y a de l'hydrogène, il y a de l'oxygène, il y a du dextrose pour le nourrir, le dextrose, c'est du carbone, c'est de l'hydrogène, c'est de l'oxygène. Et selon l'assemblage moléculaire de ces sucres, on a des ondes de forme différentes, donc des émissions de vibrations différentes, qui, eux, vont pouvoir entrer en contact avec un plan vibratoire un peu supérieur, qu'on appelle le plan de l'Esprit-Saint, le plan de l'ajusteur de pensée au niveau, disons, très bas du plan de l'intelligence instantanée, antiquement Esprit-Saint, disons que dans le langage plutôt québécois, le plan supramental, ou l'intelligence active, qui n'est donc pas tributaire des mémoires de l'homme, ou l'intelligence instantanée, c'est-à-dire une intelligence qui ne fait pas non plus référence aux mémoires passées de l'homme ou de l'humanité. Lorsque l'être humain a cette faculté vibratoire de pouvoir être lui, il faut bien comprendre que l'homme n'entre pas en contact avec une entité supérieure. L'homme est simplement capable de percevoir une vibration qui va au-delà de la vitesse de la lumière, qui dans le continuum spatio-temporel limité de la conscience de l'homme apparaît comme instantanée. Lorsque l'homme ouvre les yeux, il entre en contact avec le monde photonique, le monde de la lumière, 300 000 km à la seconde. L'homme appelle cela instantanéité. Maintenant qu'on calcule, et que l'on sait que ça prend 7 minutes et quelques secondes à la lumière pour partir du soleil et arriver sur le plan de notre planète, alors on sait que la lumière n'est pas de l'instantanéité. Au-delà de la lumière, il y a l'énergie vitale qui n'est pas instantanée, mais qui va plus vite que la lumière. Donc, il y a la vitesse matérielle, la vitesse au sol, la vitesse du son, il y a la vitesse de la chaleur, il y a la vitesse de la radiation, enfin, il y a la vitesse de la lumière, il y a la vitesse des ondes hertziennes, sont similaires. Et au-delà de ça, il y a la vitesse vitale, il y a la vitesse astrale et il y a cette vitesse mentale. Au niveau de la vitesse mentale, l'être humain a la faculté, lorsque je parle de cette évolution qui se moque de l'expérience, c'est la mémorisation d'un paquet de mémoire, donc d'un paquet de vibrations ou d'énergie, une énergie émotive, une énergie intellectuelle, une énergie de peur, etc. Une énergie de forme, une énergie formique. Je mémorise la forme. Cette énergie, lorsque l'être humain pense, il est au niveau astral. Le niveau astral est un niveau au-delà du plan vital et plus rapide que la lumière. Donc, la pensée est plus vite que la lumière. Sauf que la pensée, même si elle est plus vite que la lumière, elle reste limitée par le fait qu'elle va immédiatement rechercher de la connaissance, c'est-à-dire une espèce de savoir, entre guillemets, mémorisé, là où c'est plus facile d'aller le chercher. Là où ça ne demande pas d'efforts supplémentaires d'augmentation de vibration. On sait chimiquement et physiquement et humainement avec, les psychologues le savent, que tout ce qui est moléculaire ou atomique tend vers le repos. Alors, l'homme tend à rien faire à flâner. Si on prend de l'eau chaude, bien, elle va refroidir, donc les molécules qui s'activent sous l'effet donc, de cette énergie calorifique tendent vers le repos, donc gèlent. Si la Terre n'est pas continuellement irradiée du soleil, elle va geler. Tout tend vers le repos. Bon, c'est un, disons, un axiome tout à fait chimique et scientifique. L'homme lui-même, qui a ce plan astral et qui se nourrit par l'expérience émotive qu'il va vivre, lorsqu'il doit entrer en contact avec l'intelligence instantanée, donc son esprit, une vibration plus haute donc plus pure. C'est un peu comme de l'eau. Prends de l'eau sale, mets n'importe quoi là-dedans et distille l'eau. Monte-la en ébullition. Lorsque ça va bouillir suffisamment, l'eau qui va sortir de la vapeur d'eau va être pure. Ça reste de l'eau. Mais c'est de l'eau pure, de l'eau distillée. Tu la recondenses en liquide. Lorsque l'être humain a cette possibilité de réflexion au niveau de son expérience, chaque fois que quelque chose de neuf apparaît, au lieu de vouloir vivre le neuf au risque de n'importe quoi, il préfère sonder ses mémoires. Ça demande moins d'énergie, donc apparemment c'est moins puissant. Mais c'est faux parce que pour fouiller dans ses mémoires, l'être humain est obligé de faire travailler son âme au niveau de son ego et il exprime un paquet de phénomènes émotifs à travers son corps physique, ce qui épuise le corps physique, donc il ne sauve pas en énergie, il en perd. Parce que l'être humain a cette faculté, comme par exemple la caissière, lorsqu'elle se fait surprendre, mais que l'ego n'a pas le temps d'exprimer par le corps physique ce qu'il vit, donc la caissière n'a pas le temps d'avoir peur. Elle n'a pas le temps, on dira, de se rendre compte de ce qui arrive. Oui. Égoïquement, elle n'a pas le temps d'expérimenter mémoriellement ce qui arrive, donc elle ne s'en rend pas compte. L'ego fait référence aux mémoires, dans les mémoires, il n'y a pas le hold-up. Donc l'ego ne sait pas ce qui arrive. Mais la personne, elle, dans sa vibration d'intelligence, si elle est prise au bon moment, personne mentale, évidemment, tu ne fais pas ça avec une personne qui est handicapée, ou une personne qui fait partie, disons, de l'évolution des pays développés. Elle n'aura pas la faculté de le faire. Une personne qui est suffisamment mentale, donc la majorité des personnes de l'hémisphère nord de notre planète, vont enlever le voir si elle est suffisamment mentale et que l'ego n'a pas le temps de s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'il y a le plan vibratoire qui était celui de la caissière entre en contact avec la réalité qui se passe plutôt qu'avec ce qu'elle interpréterait de la réalité. Alors évidemment, elle n'a pas peur, elle ne transpire pas, elle n'a pas de stress, elle reste calme, c'est-à-dire qu'elle ne s'énerve pas, donc elle reste pas calme, elle est ce qu'elle est, et elle va donc avoir la faculté d'exprimer instantanément une efficacité d'action qui va lui permettre non seulement de survivre, même s'il devrait tuer tout le monde, elle survivrait pareil, et qui va lui permettre de pouvoir normalement manipuler suffisamment les conditions, les événements pour que tout marche bien. Et par la suite, lorsque c'est parti, là, elle risque de s'effondrer si elle est une femme trop transitive, mais pas assez nouvelle, de s'effondrer et puis là, de se mettre à broyer, c'est-à-dire que là, elle vivra le post-courage, c'est-à-dire donc l'événement... Tout ce qu'elle n'a pas vécu, tout ce que... Tout ce qu'elle n'aura pas pu vivre parce qu'elle était branchée sur son intelligence. Elle va le vivre après, lorsqu'elle va se reposer, parce que physiquement, ça demande un peu d'énergie. Alors, elle va se débrancher après, et puis là, elle va fouiller dans ses mémoires. Là, l'ego va pouvoir s'exprimer, puis là, elle va se mettre à broyer. Des pleurs corrects, qui sont pas trop convulsifs. Mais elle aura, maintenant, elle va expérimenter son courage. Qu'est-ce qui se passe dans la situation où est-ce que l'homme qui devient vivant, qu'il veut créer un nouveau véhicule ou une nouvelle chose, qu'est-ce qui se passe? Il doit se servir de mémoire. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'évolution de l'homme, l'évolution de chacun d'entre vous, c'est l'étape où vous arrivez à solutionner quelque chose de neuf ou de vieux, mais sans prendre l'opinion ou sans prendre la solution à l'extérieur. Alors, à un moment donné, et sans réfléchir, c'est important. Celui qui réfléchit pour trouver une solution fait référence à ses mémoires, donc à son cortex associatif, et il va évidemment expérimenter son intelligence supramentale, mais d'une façon tellement mémorisée, tellement assujettie, tellement déformée, colorée, qu'il n'aura pas l'impression qu'il est intelligent. Il va plutôt dire qu'il est connaissant. Il va dire, non, moi je me suis fait mon expérience, j'ai de l'expérience, tu sais, j'ai réfléchi, j'ai pensé. Réfléchir veut dire faire réfléchir les mémoires. Alors, il a réfléchi, et puis soudainement, ben, il a trouvé. Soudainement, il a trouvé. Et ça, il ne peut pas se le mettre dans le cocon que ce soudainement, il l'a trouvé, était de l'intelligence qui est simplement venu lui donner une trame, puis là, il a mis ses maudites mémoires sur la trame, puis là, il a dit « crème, j'ai trouvé ». Mais s'il n'aurait pas réfléchi, lorsque l'être humain réfléchit en parole, lorsqu'il pense, lorsqu'il ne trouve rien, c'est lorsqu'à un moment donné, il y a un court-circuit au niveau de sa pensée, et lorsqu'il cesse de réfléchir, que soudainement apparaît la réponse. Ce n'est pas expérientiel, ce n'est pas mémoriel. L'être humain peut expérimenter qu'il est capable d'avoir des solutions instantanées. Mais la solution instantanée n'est pas expérientielle, elle reste instantanée, donc elle est existentielle. L'évolution se moque de l'expérience dans ce sens que lorsque vous avez des problèmes, lorsque vous avez des choses, bien, essayez toujours de parler ou essayez toujours d'agir de façon immédiate. Il y a du feu quelque part. Alors tu observes le feu, tu observes l'alentour, tu vois des choses, agis, prends quelque chose. C'est pas ça, ça va te le dire que c'est pas ça. Continuellement en contact avec le savoir de ce qui doit être fait. Bon, le fait d'essayer de définir des objectifs, des buts, c'est sûr que seulement les pensées, ça ne mène à peu près à rien. Les écrire, c'est un peu mieux, maintenant, il faut les lire, de temps en temps. Écrire ses buts, c'est un peu comme parler. C'est mieux que penser. Sauf que l'homme doit toujours être en état d'attention, c'est-à-dire qu'il doit savoir que les objectifs et buts qu'il se définit ne sont pas nécessairement des objectifs et buts absolus. Donc, l'être humain a la possibilité, et il doit s'en servir, de changer d'objectif ou de but à chaque respiration, s'il le faut. Celui qui définit un jour certains buts doit les remettre en question comme il doit remettre en question ses croyances, ses spéculations, ses concepts, ses fois, etc. Le but, avoir une meilleure santé. Est-ce que j'ai une raison intelligente d'avoir une meilleure santé? Ou si je veux avoir une meilleure santé, parce que je suis écœuré d'être malade? Et dans 2 semaines, on relit les buts. Et on se demande si on fait mieux que ça. On ne relit pas les buts, on réécrit les buts. D'autres buts. Et puis après ça, on compare les deux. C'est la même chose? C'est correct. Ça me va toujours. C'est différent. Les vieux buts, on les met aux poubelles. Et si on veut faire un peu mieux, si on est capable d'arriver à supporter un peu plus l'instantanéité, ben, tous les deux semaines, on réécrit ses buts et on ne les compare pas aux autres buts. Les autres buts n'ont aucune importance. Quel que soit ce qu'on va écrire, de toute façon, en regardant ce que nous sommes ou ce que nous voulons faire, on écrit et on jette la vieille feuille, on écrit sur la nouvelle feuille. L'écriture nous instruit et on jette, on ne conserve jamais son journal de vie. On va le relire de temps en temps et savoir ce qu'on a fait. Chaque jour, on ouvre une nouvelle page qui doit effacer les autres et on inscrit dedans les choses que l'on fait, les choses que l'on va faire et ce que nous sommes. Alors, écrire ses buts sans attente pour mieux aligner ses énergies, c'est intelligent, à la condition que les buts ne deviennent pas à un moment donné un carcan d'évolution, c'est-à-dire que le but ne devient pas un phénomène expérimenté, expérientiel. Le but de l'homme, c'est l'évolution. Ben, c'est une vraie farce. L'une des fonctions de l'homme est évidemment, ou l'une des possibilités de l'homme, ou l'un des rôles de l'homme, est de s'améliorer. Mais il faut avoir une raison de s'améliorer. Première raison qui pousse l'homme à s'améliorer, fuir la souffrance, fuir la peur, fuir l'obscurité. C'est une raison qui, cosmiquement, est intelligente, mais qui, humainement, est émotive. Deuxième raison, humaine et cosmique, bien, trouver pour chacun une raison intelligente de faire ce que l'on fait. Pas juste savoir pourquoi on fait, mais confronter ce que nous faisons ou la raison pour laquelle nous le faisons à une logistique mentale ou à une intelligence écologique ou à une intelligence supramentale. Et on peut écrire les buts, et réécrire les buts, et écrire les buts, et écrire les buts, et écrire les buts, et c'est parfait. Mais si on écrit les buts pour pouvoir cristalliser ce que nous devons faire, non. Dangereux. La mémoire écrite devient plus drastique que la mémoire émotive ou la mémoire astrale. Elle s'oublie plus lentement. On dit que les écrits restent. Alors, lorsqu'on écrit, il faut savoir que le papier, lorsqu'on écrit quelque chose d'autre, on doit détruire. On doit rejeter. Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut relier à ça la conséquentialité? Ben, ça va de soi. Qu'est-ce qui doit être fait? C'est un peu aussi la question. Qu'est-ce qui doit être fait? Ben, il doit être fait tout ce qui donne des conséquences qui sont logiques pour la personne qui fait. Le problème, c'est que l'homme essaie toujours d'avoir une moralité du bien et du mal ou une conséquentialité morale collective plutôt qu'individuelle. Faites n'importe quoi, mais faites ce que vous pensez ou faites ce que vous êtes sûr qui doit être fait. Et si un autre vous dit, ben oui, oh non, qu'est-ce que t'as fait là? C'est niaiseux. C'est niaiseux dans sa conscience, c'est niaiseux sur son point de vue. Mais ce que vous avez fait ne le regarde pas. Même si ça le touchait, ça ne le regarde pas du point de vue de la conscience de ce que vous faites. Alors vous faites une chose. L'homme ancien dit souvent, oui, mais quelqu'un qui parle comme toi, ça, c'est exactement comme s'il disait, faites n'importe quoi, faites tout ce que ça vous tente. C'est ça que je dis aussi. Faites tout ce que ça vous tente. Mais faites pas tout ce que les autres ou ce que l'extérieur induit chez vous comme tentation. Est-ce que vous pensez que violer du monde dans la rue, c'est quelque chose qui est conséquentiel et correct? Non, alors vous ne violez pas. Alors un jour, ça vous tente de violer quelqu'un. Oui, moi je vous demande, faites ce que vous êtes sûr qui doit être fait. Si vous vous dites, ça doit être fait si je le pense que je dois violer, violez-la. Ou violez-le. Vous êtes un violeur. Le tueur, il tue. De mon point de vue, ce n'est pas correct. Mais du sien, lorsqu'il tue, il est convaincu qu'il fait bien. Puis si on y met n'importe quel genre de philosophie culpabilisatrice dans sa tête, il va simplement tuer ou violer deux fois plus. C'est tout. Ça ne change rien à l'homme. Alors, lorsqu'ils l'ont dit à un enfant, fais ce que tu penses qui doit être fait, lorsqu'il va bouffer du caramel, puis qu'il va en bouffer plein, parce qu'il va se dire, après ça, il va vous dire, mais je pensais que c'est ça qu'il fallait qu'il soit fait. Et vous pouvez lui dire, c'est ton point de vue. Le mien, je pense qu'il faut que je donne une claque. C'est mon point de vue. Et fort. Il va finir par apprendre, c'est quoi la conséquentialité des choses. Il va comprendre qu'un jour, vous le chicanez pour rien. Il va vous l'expliquer. Il va comprendre aussi que, oui, OK, tu sais, quand tu fais comme si tu savais que ça devait être fait, mais que tu ne le savais pas, mais maman ou papa, il ne pogne pas. J'ai coupé la queue du chat parce que, il y avait trop des chiens qui couraient après. Ben, coupez-y pas la queue. Mais il y a des moyens d'expliquer. Parce qu'évidemment, l'ego de l'homme, l'enfant, normalement, ne jouera pas ce jeu-là, mais les adultes le jouent souvent. Et ça, c'est ça qui fait peur à l'homme ancien lorsque l'on dit, ben merde, réfléchissez, vous autres, puis faites ce que vous pensez qui doit être fait. L'homme ancien dit, interdit, réfléchissez pas, faites ce que la loi vous dit de faire. Loi morale ou loi légale? L'homme n'est pas fait pour la loi est faite pour régir l'homme tant que l'homme est trop stupide pour arriver à comprendre l'intelligence de la loi. Lorsque l'homme comprend l'intelligence de la loi, il n'a plus besoin de la loi. Il est la loi. Ça va de soi. Ça rime, hein? Eh oui. C'était très, très, très important de saisir le phénomène parce que sinon, on est toujours régi par l'intelligence collective, par l'intelligence d'autrui. Tu ne voleras pas parce qu'il y a un commandement à travers les 10 tables, c'est-à-dire la table que Moïse a réussi à sauver. Oui, parce qu'il y en avait deux, il en échappait une, hein? Bon, il a cassé. Alors, il y a un commandement qui dit tu ne voleras pas ton prochain. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas. Parce que Dieu se sent frustré lorsque quelqu'un vole quelqu'un. Non. Parce que c'est inconséquentiel, inécologique. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de retour d'énergie. Ça va revenir sur la tête du voleur ou de la société qui accepte le voleur. Pas par punition divine, par réaction mécanique. Alors donc, lorsque l'être humain n'a pas d'intelligence, on lui en donne une archétypée, une collective, et on lui dit, vous êtes émotif, mais pas brillant. En vu que vous êtes émotif, sachez que Dieu souffre lorsque vous volez. Comme ça, ben, si vous ne volez pas par intelligence, vous allez voler, vous ne volerez pas par émotivité. Lorsque l'être humain devient intelligent, ben, il doit comprendre que la loi, elle a une fonction. Mais on ne dit pas à quelqu'un, à un enfant ou à un adulte, tu ne dois pas faire ça, c'est illégal. Il n'y a pas un maudit enfant nouveau qui va accepter de ne pas faire une chose parce que c'est illégal, ou parce que ça fait pleurer le petit Jésus, ou parce que le juge transpire. Non. Donnez-lui une raison intelligente, pas une raison émotive. Tu sais, c'est illégal de brûler les feux rouges. C'est pas illégal, c'est con quand il y a des chars qui passent sur le bord. C'est pas illégal, c'est con. C'est illégal pour les cons, mais c'est con pour les intelligents. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, l'humain n'a pas peur de la loi. Ce qu'il la comprend, ça n'existerait pas, il l'inventerait, il n'a pas peur. Il n'a pas peur du policier, il n'a pas peur de l'avocat, il n'a pas peur du juge. À un moment donné, il y a un greffier qui vient chez lui, il regarde les choses, il se fait saisir chez ses bébelles chez lui. Il n'a pas peur, il sait qu'il y a une loi qui existe et qu'elle a été bâtie par des humains suffisamment mentaux qui avaient une conscience intelligente de ce que c'est qu'une société, mais qui ont émotivisé cette conscience et qui ont créé une société comme la nôtre, où le voleur a souvent plus de possibilités d'exprimer des droits que la personne honnête. Alors, il regarde les choses, et puis il se sert de la loi pour pouvoir se défendre, et puis quand il conteste ce qu'on lui amène, et puis etc., etc. On se plaint, par exemple, d'un procès qui présentement vient d'aboutir et qui va évidemment être porté en appel. La cour d'appel. Ben, une chance qu'il y ait une cour d'appel. Parce que si les gars sont innocents, oh, une chance, une cour d'appel. Le problème, c'est qu'on va dire, oui, mes gars, ils ont blanchi, puis les gars étaient coupables. La journée que c'est vous autres qui allez vous faire condamner et que vous allez être innocent, puis qu'on va avoir aboli la cour d'appel pour éviter que les criminels se fassent se remettre dehors, bien, vous allez passer votre vie en prison. Alors, qu'est-ce qui est important? Que 3, 4, 15, 20, 100 criminels restent dehors à nos risques et périls ou que vous passiez votre vie en dedans parce que, justement, il n'y a pas de possibilité de reprise. La loi, quand on comprend la loi, elle fait plus peur, la loi. Puis on s'en sert, la loi. C'est le même phénomène. Pour tout ce qui va régir l'humain, lorsque l'on comprend l'intelligence d'une chose, ça change toutes les choses. Quand on te pose une question et que tu dis que tu vas chercher les réponses souvent dans les mémoires séraphiques, près du supramental. Cela vient de l'expérience de l'astral. Exemple, un résumé de livre. Comment expliques-tu ce phénomène s'il n'est pas expérientiel? Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'une personne fouille dans sa mémoire, cela peut être tout à fait existentiel, donc instantané. En ce sens que lorsqu'une personne fouille dans ses mémoires, il faut qu'elle soit tout à fait désassujettie de son émotivité, donc tout à fait consciente qu'elle fouille dans une mémoire et que cette mémoire n'a rien à voir avec la réalité. Lorsque, par exemple, moi, si on me pose une question sur telle ou telle chose, bien évidemment, je n'irai pas fouiller dans l'intelligence supramentale pour savoir ce que Belzébuth a fait dans l'Antiquité ou ce que Gengis Khan ou Hannibal a fait lorsqu'il fait traverser les Alpes par ses éléphants. L'intelligence supramentale, l'intelligence ou la mémoire galactique n'a pas cette connaissance. Alors, par contre, elle me permet, moi, de rester ce que je suis, donc tout à fait vivant, et fouiller dans les annales akashiques planétaires pour aller voir ce qui authentiquement s'est passé dans une région, une localité spatio-temporelle, que l'humain appelle le passé, et qui est spatio-temporalisée. Donc, il y a un emplacement dans le temps et un emplacement dans la matière. On parle donc d'Hannibal, on parle donc des Alpes, par exemple. Et on va aller chercher simplement lire, observer, voir, vivre, vibrer ce qui s'est passé à l'époque. Sauf que si moi, je suis obligé de fouiller dans mes mémoires en perdant la conscience de ce que je fais, alors là, je mémorise. Et là, je ne pourrais pas me connecter nécessairement à l'astral extérieur. Donc, je ne pourrais que fouiller dans mes mémoires expérientielles pour aller savoir ce que je sais sur ces phénomènes. Et il y a beaucoup, beaucoup de trahisons physiques. D'ailleurs, il y a des personnes en PMC, justement, qui ont appris comment découvrir ces trahisons physiques. Parce qu'il y a des exercices qu'on fait où la personne doit justement, on appelle ça le jeu de la mort, où elle doit justement essayer de prendre conscience de chaque fois où elle est mémorielle, passée. Et puis là, on peut constater que physiquement, oculairement parlant, entre autres, il y a un paquet de mécanicités qui permettent facilement à n'importe quelle personne avertie de savoir, bon, regarde l'autre, il fouille dans ses mémoires, bon, regarde l'autre, il fouille dans ceci, regarde l'autre, il extrapole dans le présent, regarde l'autre, c'est très facile à voir. Lorsqu'une personne entre en contact avec une mémoire extérieure ou même une mémoire personnelle ou une intelligence, disons, un contact supramental, si elle est tout à fait elle, il n'y a pas de problème de fouiller dans la mémoire. C'est comme lorsque vous regardez dans un livre. Mais en fouillant dans un livre, puis vous fouillez dans une mémoire. Sauf que si vous fouillez dans le livre et que quelqu'un vient vous parler et que vous l'entendez, vous n'êtes pas obnubilé par le livre, bien vous restez vivant. Celui qui fouille dans ses mémoires n'écoute plus ce que vous dites. Celui qui fouille consciemment dans de la mémoire, bien il écoute ce que vous dites. Même s'il parle, même s'il fouille, il est vivant. Pourquoi vivre l'expérience du PMC? Pourquoi des examens au PMC? Ah, ça, c'est un égo, ça, qui a peur de couler. Bon. L'être humain a besoin de l'expérience. L'expérience, ce n'est pas de l'évolution. L'expérience, c'est de la salvation. L'expérience permet de sauver l'homme. Guillemets. Une double guillemets. Bon. Qu'est-ce que c'est l'expérience? L'expérience, c'est ceci. Il y a un être humain qui apparaît, qui naît. Et puis qui a un contact avec de l'intelligence. Et en même temps, à chaque fois qu'il a le contact avec cette intelligence, il mémorise ce contact. Alors, il crée de la mémoire, de l'expérience. L'expérience étant tout proche de sa conscience, tandis que le contact n'est pas à l'intérieur de lui. Le contact n'est pas, il est partout, mais le contact n'est pas englobable par lui, par sa mémoire, ce que lui-même appelle sa conscience. Le contact n'est pas englobable par sa conscience. Dieu n'est pas englobable par la conscience mémorielle limitée de l'homme. Intelligence non plus. Alors, à un moment donné, cet individu, il finit par devoir apprendre qu'il est capable d'apprendre. Parce que s'il ne l'apprend pas, il ne sait pas. L'individu doit, à un moment donné, et ça, c'est le cas de toute la planète présentement, parce qu'elle a toujours vécu à partir de sa mémoire, ce qui fait qu'elle fait tellement référence à sa mémoire que toute sa programmation neuronique, que sa programmation émotive et vitale, l'oblige à faire référence au passé pour expliquer le présent. Alors, cette personne doit donc apprendre. Tu prends un joueur de piano, tu prends un individu qui ne sait pas jouer du piano, et pour que lui s'autorise à jouer du piano instantanément et à composer, ben, faudra que tu instruises l'ego qu'il est capable. Parce que l'ego va se dire, oui, non, je suis pas capable de jouer du piano, moi, bading, bading, bading, bading, fini là. C'est pourquoi les orgues électriques, avec les programmes qui tu sais, les notes se baissent avant même que je ne te touche pas, puis qui jouent tout seul, marche-t'en. On dit que tu apprends à jouer de l'orgue comme ça. Oui ou non? Tu n'apprends pas plus vite que c'est un piano. La personne, si elle se dit, ben pour être bon, ça prend 3 ans, ben dans 3 ans, elle va être bonne. Si un autre se dit, dans 15 ans, ça prend 15 ans pour être bon, ben dans 15 ans, elle va être bonne. Sauf si un jour, quelqu'un passe par là, ben qui lui dit, ben merde, t'es bon. L'autre, il se fait 5 ans, oh, je suis pas bon, tu sais pas ce que c'est, le piano. T'sais. Mais si tu réussis à la convaincre qu'elle est bonne, ben là, elle va changer son barème, puis elle va dire, je suis bon. À quoi ça sert l'expérience? À instruire l'ego, le maudit ego, que t'es capable. Simplement, que tu es capable. Le gars qui invente le moteur explosion, ben il invente le moteur explosion. Il tripote puis il l'invente puis ça marche. Puis c'est compliqué en mots. T'as dit un moteur. Puis le gars qui la regarde quand il est monté, puis qu'il démonte au complet, puis qu'il comprend plus, puis qu'il comprend rien, ben lui, il va falloir que tu l'instruises qu'il est capable de le remonter. On appelle ça la mécanique. T'as des mécaniciens, des génies. Ils écoutent, ils entendent. Ils savent, ils les font, ils arrangent, ça marche. Il n'y a pas un seul livre, il n'y a pas un seul professeur. Non, non, le gars, c'est un génie de la mécanique. Mais qu'est-ce que c'est qu'un génie de la mécanique? C'est quelqu'un qui a une intuition qui lui permet d'accepter qu'il est capable d'avoir un savoir instantané puis de savoir les choses. L'expérience, ça sert à quoi? Prenons l'expérience du PMC, vu que c'est la question ici. L'individu apprend à se relaxer d'une nouvelle façon. Pourquoi? Parce que les égos ici ne permettent pas au corps de se relaxer. Parce que les égos ne savent pas comment se relaxer. Parce qu'il faut que l'homme apprenne à se relaxer. Un enfant, il sait. Mais l'enfant, il ne sait pas qu'il sait. L'enfant apprenant qu'il faut qu'il apprenne tout pour savoir, mais finit par attendre qu'on lui montre à se relaxer parce qu'à un moment donné, il exprime qu'il ne se relaxe plus. On dit un adulte qui est stressé, qui n'est pas relax, qui ne sait plus digérer, qui ne sait plus courir, qui ne sait plus rouler, qui ne sait plus un paquet de choses. Oui, mais il les a expérimentés, il les a su. Non. Parce que ça, il ne les a pas appris à l'école, il a pas eu de diplôme. L'examen du PMC, il sert à quoi? Bien, on l'a déjà expliqué avec au niveau des personnes qui font le PMC. Et ça sert simplement à éprouver l'ego. Pour éviter l'orgueil de l'évolution, le snobisme de l'évolution, où à un moment donné, oh, moi, je suis le PMC 4, moi, ben, t'es un examen que tu coules. Alors, toi, tu as le PMC 4, et t'as coulé. Et que la personne, ben, son ego, elle se vante pas trop. Sauf qu'elle coule pas. L'examen, il est hypocrite. L'examen, il est simplement le résumé de ce que la personne doit mémoriser. Parce que présentement, elle a besoin de mémoriser, parce que si elle mémorise ça, elle va être capable de se permettre de faire plus. Ça sert à ça l'expérience. Prenez, je parle souvent des enfants, mais qu'est-ce que vous voulez, les enfants, c'est pas mal plus pur que beaucoup d'adultes. L'enfant va être capable de découvrir comment fonctionnent certains jeux, comment fonctionnent certaines choses, si on le laisse libre de démonter des choses. Moi, j'ai offert un ordinateur à un moment donné à mon jeune frère. Bon, il en voulait un, j'en ai acheté un. Ça m'a coûté cher à l'époque. Il n'était pas cher, mais moi, je n'étais pas riche. Ça m'a coûté cher. Mais c'était brillant comme cadeau de fête. 2 mois après, je passe par là, puis il avait fait plein de trous dedans, puis il avait mis des petits LED, puis il avait connecté ça à l'intérieur avec des babelles, puis bon. Là, quand il poquait certaines choses, ça s'éliminait de notre tête. Au prix que tu l'as payé, franchement, il aurait pu faire ses toyeurs. Ça, c'est l'ego qui, quand il voit l'ordinateur tout massacré, ben il se dit... Puis en même temps, ben non, c'est brillant. Qu'il casse, mais qu'il apprenne avec. Puis après ça, bien, il a réussi à le connecter avec l'ordinateur de son voisin. Créer un périphérique, puis servir de 2 ordinateurs. C'est juste des petits ordinateurs avec, ce sont des 4K de mémoire. Ben ça communiquait, puis ça marchait. Puis il en a sauté un. Je n'ai sauté un moutou. En tripotant dedans, à un moment donné, tu sais, pouf. Mais c'est pas grave. Mais on interdit à l'enfant. L'adulte, ne saura jamais ça. Moi, j'ai déjà défait tout au complet le système de son de mon auto parce qu'il y avait une cassette à tout pogner dedans. Puis le char était flambant neuf. Puis je me suis dit, pour moi, la garantie couvre pas ça. Alors, j'ai tout défait au complet. C'était mon premier char neuf. J'ai tout sorti. C'était l'hiver. J'ai amené ça sur la table de cuisine. J'ai sorti les quelques outils que j'avais. Puis j'ai tout démonté, tout défait en essayant de bon. Puis à fin de compte, j'ai tout remonté au complet. Puis ça marche. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de personnes. Tout le monde va se dire quoi? Ben, je ne connais rien là-dedans. Moi non plus, je ne connais rien là-dedans. Mais ça ne m'empêchait pas de savoir. Les deux sont différents. Ça n'a rien à voir. Pourquoi vivre l'expérience du PMC? Parce que l'expérience instruit l'ego que le mental est capable de faire des choses. Quand l'ego sait que vous êtes intelligent, ben, il vous permet maintenant d'exprimer d'intelligence. il arrive un événement dans votre vie, l'ego a peur, mais vous avez suffisamment d'énergie, dès que l'ego vous laisse aller, on va s'en occuper. Pourquoi tu dis « on va s'en occuper »? On va s'en occuper. La personne qui est simplement émotive, qui n'a pas l'expérience, dont l'ego n'a pas expérimenté la capacité du mental à agir, bien, elle ne voudra pas que le mental agisse, que l'intellect agisse. L'ego va carrément virer fou. Alors, il exprime un paquet d'émotions, il exprime un paquet de choses, puis il essaye d'agir là-dedans, tout à fait d'une façon inefficace. Les examens, bien, simplement pour ajuster l'ego à son potentiel d'orgueil. C'est simplement ça. Il n'y a pas un seul PM sensé qui a coulé jusqu'à date. Ils n'ont pas passé les examens, mais ça leur rien empêché. Quand tu regardes un examen, puis tu vois une note, tu dis, bon, mais tu vois, tout ce que tu n'as pas, là, c'est ça qu'il faut que tu saches, tout. C'est pas plus compliqué que ça. Tu peux leur passer n'importe quand, en attendant, on continue. Mais il faut que tu saches ça. Puis, qu'est-ce que c'est qu'un examen? Bien, à un moment donné, parce qu'on enseigne comment respirer. Il y a beaucoup d'humains qui ne savent pas comment respirer, ils ne savent pas pourquoi il faut qu'ils respirent aussi. Sauf qu'il y a un axiome tout à fait PMC qui dit que celui qui... L'homme ne peut contrôler parfaitement que ce qu'il connaît parfaitement à l'époque, à l'étape de l'homme transitif. Alors donc, ils doivent apprendre le système respiratoire, apprendre des choses pour pouvoir savoir pourquoi il faut respirer. D'ailleurs, les trois quarts de ceux qui ont appris ça ont cessé de fumer. Parce qu'ils n'ont pas si mal, ils n'ont même pas eu à se forcer. Ils ont eu un choc. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont arrêté de fumer. Pas tous, mais un bon paquet. Ils ont expérimenté une chose, et l'expérimentant, bien, ils voient et envoient l'intelligence, parce qu'évidemment, il y a d'autres phénomènes. Lorsque la personne passe son examen et qu'elle manque ces choses-là, ben on lui demande. La personne qui a cessé de fumer, elle n'a pas l'examen. Il est passé l'examen. Elle a oublié que ça, c'était la plèvre. Elle a oublié que... Ben oui, mais là, il vit. Elle a cellularisé l'information. Alors, c'est pas nécessaire qu'elle fouille dans sa mémoire. Elle sait comment ça marche une respiration. Tellement cellularisée qu'elle a cessé de fumer. Alors, l'examen, c'est pas comme à l'école. Tu sais qu'à l'école, on apprend la frustration. Je sais que la pensée est involutive, mais quand j'ai un problème, j'ai peur de verbaliser ce que je vis. Je pense et je paralyse. Est-ce la peur de se prendre en main? C'est de l'orgueil. Je le répète, je vais le répéter encore suffisamment de temps parce que la simple raison que c'est le phénomène que l'ego a le plus de difficultés à comprendre, c'est que vous devez arriver un jour à être capable de vous supporter. Mais l'être humain, il veut être supporté par les autres avant d'être supporté par lui-même. Alors, s'il veut changer, il sait que les autres ne le supporteront pas, alors il ne change pas. Mais l'évolution est individuelle. L'homme et la femme doivent arriver à se changer, à accepter, à se supporter, et puis au yob les autres. Celui qui veut verbaliser et qui a de la difficulté à verbaliser, c'est parce qu'il est trop orgueilleux. C'est-à-dire qu'il a peur de perdre la face, il a peur d'être entendu, il a peur d'un paquet de choses qui peuvent être conscients ou inconscients, mais ça ne change rien. L'être humain doit signer dans la matière ses transformations. La journée qu'il croit qu'il doit verbaliser, alors il doit verbaliser. Les autres vont penser qu'il est fou. Puis après, il y en a un paquet qui pense déjà qu'il est fou, puis il ne verbalise pas. Alors au moins, il leur donne une raison de jaser. Qui parle? Parce que celui qui passe pour un fou parce qu'il évolue, n'a pas besoin de l'accréditation d'autrui. Du jugement d'autrui. On dit que le fou est l'ami du sage. Mais il y a rien que les fous qui ne peuvent pas discerner entre les deux. Alors, si on vous traite de fou parce que vous évoluez, c'est qu'ils ne sont pas capables de discerner que vous êtes sage. Je sais que la pensée est involutive. Dans un certain sens, oui. Pourquoi? Parce que la parole est évolutive. La parole permet d'exprimer une chose et d'apprendre lorsque l'on parle. Ceux qui n'ont jamais fait l'expérience... Enfin, tout le monde l'a fait, mais ceux qui n'ont jamais conscientisé l'expérience, que lorsque l'on parle à quelqu'un, on finit par amener des solutions qu'on n'avait pas avant. J'ai peur de verbaliser ce que je vis. Verbaliser ce que vous vivez dans le sens exprimé émotivement ou dans le sens psychologique, ce que nous vivons, n'est pas une chose nécessairement évolutive. Ça peut être utile pour l'ego, ça peut être utile dans ce sens que ça supporte un peu plus ou ça permet de vous libérer de certains phénomènes énergétiques et émotifs internes, sauf que parler, on doit parler simplement pour créer, pas pour broyer. Si une personne veut parler de ce qu'elle vit, elle doit parler en expliquant ce qu'elle vit, mais pas à l'autre, à elle. On ne dit pas à quelqu'un, tu sais, si ça arrive que je chiale, tu sais, c'est peut-être à cause que, c'est peut-être ou c'est ça. Bon. C'est à cause que je suis peut-être, il y a toute une phénoménologie de la parole qui empêche l'humain de pouvoir apprendre par la parole pour la simple raison que l'humain est manipulé à un point tel par les forces astrales, c'est-à-dire par la mémoire collective, que tout le phénomène de tout l'apprentissage oral que vous avez vécu est un apprentissage qui vous interdit carrément de vous servir du verbe pour la simple raison que vous servant du verbe convenablement, sachant parler convenablement, pas que des gros mots, en éliminant toutes les conneries, parler convenablement, ben vous seriez capable de vous supporter, de vous relier à votre intelligence, de vous centrer dans votre intelligence, de devenir un peu plus individuel au niveau de la conscience et d'arriver à supporter et à répondre de tous vos problèmes. On a fait des mini-PMC à un moment donné. Et lorsque je posais des questions à des gens, il y a des gens qui réellement ont fait le séminaire intensif sur l'homme nouveau. Ben, c'est le même phénomène. La première chose que l'humain apprend lorsqu'il fait ce séminaire-là, c'est de quelle façon il est manipulé. Mais il ne l'apprend pas exclusivement, expérientiellement. Il le vit. C'est-à-dire qu'il doit y goûter, de le vibrer. Parle. Bon, tu vois-tu comment t'es con quand tu parles? Alors la personne va dire, non, je suis pas con. Elle va dire, c'est vrai que t'es pas con, mais ce que tu dis, est-ce que c'est con? Mais non, c'est pas con. Mais c'est pas con, mais ça veut rien dire. Alors je pose d'autres questions selon ce que la personne elle est, puis au fur et à mesure qu'elle parle, ben là, il y a des mots. Pourquoi tu dis tel mot? Oh, c'est une manière de parler. Une manière de parler, ça veut dire parler comme tout le monde. Parler comme tout le monde veut dire évoluer comme tout le monde. Les manières de parler, ce sont des manières de penser. C'est donc pas vous qui pensez, c'est donc pas vous qui parlez. Alors lentement, la personne, elle finit par filtrer certaines manières de parler pour arriver à parler comme elle aimerait parler. C'est important, parce que la majorité d'entre vous, vous ne parlez pas ce que vous voulez dire. Vous pensez à quelque chose, vous vibrez quelque chose, c'est encore bien mieux. Puis quand vous venez pour l'exprimer, tout croche. Ben, imaginez-vous que l'humain n'est même pas capable de dire à quelqu'un « je t'aime » sans avoir un paquet de phénomènes émotifs là-dedans ou sans le colorer par un paquet de cochonneries. Ben, imaginez-vous quand vous répondez à nos questions. On répond toujours par des cercles vicieux, des loupes sans fin. C'est quoi Dieu? Dieu, c'est l'univers. C'est quoi l'univers? L'univers, c'est la création. C'est quoi la création? La création, c'est Dieu. C'est quoi Dieu? Dieu, c'est l'univers. C'est quoi l'univers? L'univers, c'est la création. C'est quoi la création? La création, c'est Dieu. Puis ça contente l'homme. Tu sais, on ne le manipule pas à penser, on ne le manipule pas à parler pantoute. Ben non. Il se contente de rien. C'est pire, l'homme. La pensée est involutive. La parole est évolutive à la condition qu'on arrive à parler sans penser, donc qu'on arrive à parler sans être coloré. Et en parlant directement, on peut s'écouter. Puis les conneries qu'on dit, on les élimine. On ne s'excuse pas de les dire. On prend conscience. Quand on en prend conscience, c'est comme si on ne les avait pas dit. On se désassujettit de la manipulation astrale, on se désassujettit de ce qui empêche l'humain d'évoluer et qui l'oblige à vivre dans son expérience, expérimenter à la place. Vous savez, savoir que le feu brûle, il ne faut pas être génial pour ça. Sauf que l'homme, effectivement n'étant pas génial, doit se brûler pour savoir que ça brûle. On appelle ça « doit expérimenter ». Tant qu'on n'aura pas expérimenté la guerre nucléaire, on ne saura pas si on va survivre ou non. Ça pèse dans l'esprit des militaires et des scientifiques de savoir si on va survivre ou non. Comme ils ne peuvent pas savoir, il faudra qu'un jour on l'expérimente. Parce que sinon, on ne saura pas. Il y en a plein qui dorment mal présentement, ils ne savent pas si on va survivre ou non. Il y a un paquet de pacifistes qui dorment mal. Il y a un paquet de révolutionnaires qui dorment mal. Il y a un paquet de pro-apocalypse qui dorment mal. Il y a un paquet de savants, un paquet de militaires, un paquet de monde qui dorment mal. Il doit expérimenter. Le jeune, il ne sait pas que la drogue, c'est mauvais. On lui a dit... Il a appris, mais il ne sait pas. Il faudra qu'il expérimente. Quand il aura expérimenté, ben, il va faire comme bien du monde, il ne sera plus en état de le savoir. C'est quel problème? Quand on dit que l'humain est intelligent, il est intellectuel, il est mémoriel. Et à un moment donné, ben, la drogue, tu sais. Tu n'as pas besoin d'expérimenter tout. Tu poses la question, tu te réponds, puis tu sais. L'humain va de plus en plus expérimenter la parole et l'humain devra de plus en plus arriver à se supporter. La personne qui ne peut pas verbaliser ne se supporte pas elle-même. Il y a des expériences qui sont faciles. Puis quand j'en parle, ça fait rire les gens parce que c'est trop facile. Puis les gens ne l'essayent pas. Un jour que je donnais un séminaire ici, il y a une personne qui nous expliquait qu'elle était capable. Alors j'ai pris un gros miroir, j'ai pris une... Pas besoin de ça, mais fallait! Si t'as pas besoin de ça, ça dérangera pas que tu le fasses! C'est si facile, t'es capable! Fallait, puis cesse de rire! Chérie, toi, c'est toi que tu vois. Ben là, sur sa petite chaise, là, une petite chaise bien niaiseuse, ben la personne était bien niaiseuse. Puis elle tournait, puis elle se grattait, puis elle riait, puis elle comprenait que « OK, j'ai compris ce que tu veux, là, tu sais, là, fait que c'est correct. Ben, » tu l'as compris, non, tu l'as appris. Tu le vibreras pas encore. Maintenant que tu l'as compris, tu le refuses. Tu l'as pas compris, tu l'as appris. Maintenant que tu sais ce que je veux faire, là, tu connais ce que je veux faire, ben tu le refuses. Reste dedans, ou va-t'en. Mais c'est quelque chose. T'es au prix que tu payes, t'es pas pour venir me niaiser ici. Fait que tu vas apprendre ce que t'es venu chercher ou tu vas t'en aller puis on va te rembourser. C'est pas plus compliqué que ça. Puis après un bout de temps, la personne, ça commence à aller. Puis là, ben c'est correct. Là, réellement, elle devenait un peu plus humble. Elle était capable de se regarder d'en face puis cesser de rire d'elle. Donc l'orgueil s'en allait. Et que ça paraît niaiseux. À la fin de la journée, elle me dit, tu sais, là, je la referais, puis ça me dérangerait plus. J'ai fait là chez toi, puis à poil. Tu vois, ça va continuer à le déranger. Parce que quand la personne est sûre que maintenant, il n'y a plus de problème, non, c'est qu'elle a maintenant expérimenté une chose. L'ayant expérimenté, cette chose-là ne la dérange plus. Mais donne-y une semblable, elle va recommencer encore à vivre le même phénomène. Il faut que l'être humain apprenne à se supporter. Il y a un paquet de phénomènes banaux. Sauf que l'humain veut avoir des trucs extrêmement compliqués. Parce que trop simple, il trouve ça trop niaiseux. L'humain est un être simple. Trouvez-vous difficile, comme moi, de toujours vous ajuster aux autres qui ne vivent pas cette instantanéité de l'homme nouveau ou transitif? Non, j'ai aucune difficulté parce que j'ai pas d'orgueil. Trouvez-vous difficile, comme moi, de toujours vous ajuster qui est qu'un gros crayon foncé puis bien apesé puis souligné aux autres qui ne vivent pas cette instantanéité de l'homme nouveau ou transitif? Non, absolument pas. Premièrement, ceux qui ont de la difficulté à s'ajuster ne vivent pas non plus le phénomène de l'homme nouveau. Ils sont transitifs, par contre. Je n'ai aucune difficulté pour la simple raison que je n'ai pas d'orgueil. En n'ayant pas d'orgueil, je ne me pense pas supérieur à quelqu'un d'autre. Alors, je peux m'ajuster. Si cette personne peut s'ajuster à un enfant, elle peut s'ajuster à n'importe quel adulte. Mais étant donné que dans son concept d'homme nouveau ou d'homme transitif, elle considère l'adulte comme étant un égal à elle et qu'elle doit donc, elle s'oblige de considérer que l'adulte devrait être au moins aussi intelligent qu'elle. Si l'adulte n'est pas capable de supporter sa propre intelligence, elle la considère comme inférieure. Tandis que l'enfant, ben l'enfant, elle peut comprendre que l'enfant a encore le temps. Et ce qui arrive souvent, rencontrer quelqu'un qui est sur la rue et qui vous crache un soulier, ben vous n'aimez pas ça. Là, vous le regardez dans les yeux, puis là, il fait... Mais là, vous comprenez. Là, vous l'excusez. Ah, ben oui, je ne... Et s'il vous fait, il s'en va, vous sautez dessus avec un bat de baseball. Pourquoi? Parce que vous ne vous ajustez pas. C'est un phénomène extrêmement intéressant à observer. L'humain qui agit d'une certaine façon est un humain qui a une programmation soit génétique, l'handicapé, soit acquise, ce qu'on appelle l'homme normal, et puis qui vous crache le soulier, c'est qu'il est programmé, il est manipulé. Il n'y a pas une personne qui sait réellement dans son intelligence qui irait cracher sur le soulier de quelqu'un. Hein? Bon. Alors, en partant, si on est des hommes nouveaux ou des hommes transitifs, qu'on se fait cracher dessus, bien, on ne saute pas d'en face de l'autre. Parce que si on saute d'en face de l'autre, on devient aussi programmé, réactionnaire. Il crache dessus, il saute dessus. Cracher dessus, il va vous sauter dessus. Alors, c'est quoi la différence entre un et l'autre? Il y en a un qui se prend au sérieux et qui se catalogue homme nouveau. L'autre, il se prend au sérieux et qui se catalogue tough. Mais il n'y a pas grande différence. Les deux sont pareils, avec un concept de référence qui est différent. Il faut faire attention au snobisme de l'évolution. C'est absolument effarant. Trouvez-vous difficile comme moi de toujours vous ajuster aux autres? Absolument pas, comme je répète, vu que je n'ai pas d'orgueil, ce qui fait que j'ai aucun problème à m'ajuster aux autres pour la simple raison que les autres ne sont pas inférieurs à ce que je suis moi. Il y en a qui ont des grosses épaules. Moi, j'ai une grande gueule. Pas différent. À la dernière conférence, vous avez dit que vous parlez vite parce que vous ne vouliez pas que nous intellectualisions ce que vous dites. Doit-on comprendre par le savoir instantané ou par flash? Bon, comprendre par flash, c'est le même phénomène que comprendre par intelligence instantanée. La personne qui intellectualise, elle est dans un niveau vibratoire où elle a la possibilité d'intellectualiser. Il y a d'autres phénomènes. Le fait de parler avec de la puissance énergétique d'une façon plus lente amène, veut pas, créer une consonance vibratoire qui peut... Regardez ceci. La vibration mentale a un certain rythme qui est au-delà de la vitesse vibratoire de l'âme. La vibration âmique a un certain rythme au-delà de la vitesse vibratoire du plan vital, donc de la vie. Celle-ci vibre plus rapidement que le corps physique. La forme du vocabulaire, c'est matériel. Ce qu'on entend, c'est matériel. C'est sonore. Le support est vital. C'est la voix. Et le verbe, il est au-delà du plan mental. Il n'est pas non plus enregistrable. Parce qu'un homme parle avec de la puissance. Je parle plus lentement, mais je ne fais pas encore ce que je vous dis. Parce que l'être humain a de la puissance, il a la faculté de choisir des mots qui vont permettre à ces mots d'avoir une portée vibratoire telle qu'elle va automatiquement induire dans l'ego de l'homme, dans l'âme de l'homme, une vibration qui permettra à l'ego de mieux accepter, de mieux accréditer la parole de celui qui parle. Cela crée un phénomène intéressant qui permet à l'ego, donc à l'âme, de pouvoir plus facilement supporter la parole de l'orateur et d'induire à la longue une croyance, une foi, une déité. Lorsqu'un être humain se présente devant une foule et qu'il parle suffisamment lentement, non pas prononçant les mots lentement, mais avec beaucoup de temps mort. Ce temps mort est vivant. Lorsque la parole pénètre l'oreille d'un individu, elle le pénètre vibratoirement et sonorement. La partie sonore a été amenée au cerveau, décortiquée par la partie cérébrale qui interprète le langage et informe l'ego de la substance transportée par la forme, la parole. Tandis que l'énergie de la parole, le verbe, a la faculté, lui, de pénétrer le corps de l'homme. Le corps de l'homme. Non pas seulement par le biais de l'oreille, et par le biais de la cutanéité de l'homme, son corps. Malgré que les vêtements créent une certaine protection en absorbant une partie du verbe, le corps absorbe suffisamment. Plus la parole est rapide, sans temps vivant, temps mort, plus l'énergie du verbe pénètre et moins l'ego. Dans sa consonance vibratoire lente, moins l'âme a la possibilité de vibrer, ce qui est dit. Lorsqu'un homme ou lorsqu'un orateur qui a une certaine puissance énergétique parle de cette façon, obligatoirement, il induit dans l'âme des humains, dans la psychologie de l'homme, une vibration d'amour. C'est le nom que va employer l'homme lorsqu'il va parler de la vibration émise par l'orateur. Lorsque l'homme nouveau parle et qu'il parle à un rythme relativement rapide, l'âme ne perçoit pas cette vibration parce que le flow est trop rapide pour elle. Alors l'homme amique, l'homme normal, va dire que l'homme nouveau ne semble pas avoir d'amour pour l'humain, pour ceux à qui il parle. La différence est de l'ordre de la vibration perçue par l'âme, parce que celui qui parle avec de la puissance et de l'intelligence a automatiquement de l'amour pour l'homme, parce que sinon il ne parlerait pas, il détruirait. Il animerait les contextes politiques et il enverrait l'homme dans la gloire de la guerre, dans la gloire de la drogue et dans la gloire du sectarisme, où la conscience individuelle de l'humain serait fusionnée dans une conscience de croyance collective. Lorsque l'être humain ou lorsque l'homme nouveau parle avec un flot plus rapide, automatiquement, il transcende la perception amour de l'âme qui écoute et permet une énergisation du plan mental plutôt que du plan amique, ce qui, bien que ça ne donne pas la connotation d'amour à l'ego ou à l'âme de l'homme, énergise suffisamment son mental pour lui permettre, sinon d'être choqué, de vibrer à un individu, disons, de vibrer à un point de vue de conscience plus individuel. Lorsque je parle plus lentement, un observateur pourrait prétendre que l'auditoire a une oreille religieuse, attentive. Même dans les temps morts, ce que j'appelle les temps vivants, où l'énergie peut maintenant faire vibrer un peu plus l'âme. Donc, même dans les temps vivants, on n'entend rien. On entendrait une mouche frapper un mur. Lorsque la voix est lente, l'ego est émerveillé. L'ego vibre, l'ego perçoit de l'amour de l'âme, l'ego perçoit de l'émotion dans la voix de l'âme, parce que l'émotion, c'est-à-dire la connotation vibratoire qui permet à l'orateur d'entrer en harmonique vibration avec l'âme de l'auditeur, lui permet une transcension, lui permet de transcender l'omnubilité. Je prends des mots un peu plus compliqués pour permettre au mental de rester réveillé, lui permet de transcender l'omnubilité, de l'effervescence, de la cristallisation des dieux, c'est-à-dire que lorsque l'homme nouveau parle un peu plus rapidement, l'âme n'a pas le temps de créer le maître. C'est pourquoi lorsque je parle d'une façon plus arrogante pour l'ego, d'une façon plus rapide, plus dynamique. Et lorsque l'être humain n'a pas la certitude que l'orateur a de l'amour, il n'a donc automatiquement pas le besoin, la nécessité ou le vouloir, l'attraction de créer le maître. Celui qui, à un moment donné, finit par s'approcher de l'orateur, donc par m'approcher entre autres, comme lors d'un séminaire, finit par se rendre compte, évidemment, l'orateur a de l'amour pour l'humanité. Mais un amour tel qu'il peut supporter le fait que l'homme puisse penser qu'il n'en a pas. Un amour qui n'a pas besoin d'être connu des autres. Un amour qui n'est pas orgueilleux. Un amour qui n'a pas besoin d'être su. Lorsque je parle donc plus rapidement, cela permet d'induire plus d'énergie au niveau du mental de l'humain. Cela permet de laisser l'ego ou l'âme absorber un peu moins de cette énergie. Cela permet donc à l'ego et à l'âme de non pas s'accrocher à une forme, à un maître, mais de plutôt se servir de la personne qui parle comme d'un outil qui permet d'augmenter la vibration, de même qu'un calorifère, un système de chauffage, permet de réchauffer la maison. On ne doit pas adorer le calorifère. On doit se serrer les mains, se flatter les mains, se déshabiller, se réchauffer, se sentir bien. Mais on ne fait pas de culte. Alors, c'est pourquoi je parle extrêmement, disons, rapidement. Et que je fais des farces de temps en temps. Ça brise un peu la monotonie du mental. Si tu n'avais pas vécu les expériences que tu as vécues jusqu'à cette question, serais-tu capable d'évoluer aussi bien que tu le fais présentement, te fusionner? Serais-tu capable de donner des conférences pour stimuler, énergiser ta connaissance instantanée? Bon, ce n'est pas autant une connaissance instantanée, c'est un savoir instantané. Si tu n'avais pas vécu les expériences que tu as vécues jusqu'à cette question, serais-tu capable d'évoluer aussi bien que tu le fais présentement au niveau de ma fusion? Serais-tu capable de donner des conférences pour stimuler et énergiser ta connaissance instantanée? Bon, premièrement, les expériences que j'ai vécues m'ont permis de découvrir que ces expériences-là ne servaient qu'à m'enseigner et me passer d'elles. Donc, j'ai pu comprendre que lorsque l'être humain a de l'expérience, il a du temps. Et lorsqu'il a du temps, ben, il perd son temps. Voilà. Bon. Alors, je n'ai pas besoin de l'expérience que j'ai vécue avant. Lorsque les personnes me demandent, oui, mais qu'est-ce que tu as comme expérience? Qu'est-ce que tu as fait? As-tu des diplômes? As-tu étudié en des places? As-tu voyagé? As-tu ceci? As-tu cela? Les seules fois que je réponds un peu de... que je parle un peu de ce que supposément j'ai fait, c'est simplement pour permettre à l'ego de ceux qui veulent avoir un peu de référence, qui veulent me situer quelque part dans leur conscience, une satisfaction. Je leur donne de la satisfaction. Mais ça n'a aucune importance de savoir que j'ai fait ceci, que j'ai fait cela, que j'ai fait cela ou que je vais faire ceci. Pour la simple raison que ce n'est pas sine qua non d'une évolution. Le Nazaréen a été crucifié et moi, je n'ai pas besoin d'être crucifié. Et le Nazaréen aurait pu se passer de la crucifixion. Ah, peut-être. Une chose certaine, c'est qu'il a été crucifié. Moi, est-ce que j'aurais pu me passer de certaines choses qui me sont arrivées ou que j'ai fait? Peut-être. Mais je les ai faites. Et est-ce que tous doivent passer par les mêmes chemins que moi? Non. Non. Alors, à quoi ça sert de parler de ce que j'ai fait? L'expérience qui m'anime aujourd'hui, c'est-à-dire ce que je peux me permettre de faire aujourd'hui, n'est pas tributaire de ce que j'ai fait dans le passé. Cela dépend de ce que je fais maintenant. Ce que je fais maintenant dépend de ce que je fais maintenant. Ça ne dépend pas de ce que j'ai fait. En quoi les humains de l'hémisphère nord sont-ils les plus connectés sur le savoir? Êtes-vous raciste? Bon. Vous savez, être raciste, c'est quoi? C'est de prétendre à une supériorité raciale. Être raciste aussi, c'est prétendre à une supériorité tout court. Celui qui n'aime pas le voisin est un raciste. Oh, parce que ce n'est pas une race, disons que c'est un voisiniste. Mais c'est un raciste. Moi, on a une personne qui enseigne le programme Maître Contrôleur qui est un haïtien. Lui dit qu'il est un haïssable. J'ai goût. Et il enseigne le PMC. Et je connais d'autres Haïtiens qui font le PMC. Et je connais d'autres Haïtiens qui n'ont rien à voir avec le PMC. Et je connais d'autres Blancs, je connais d'autres Jaunes, je connais d'autres choses. Je suis raciste? Non. Mais est-ce qu'on peut dire, sérieusement, quand on rentre dans une ville comme... prenons l'exemple de Lima, où on voit des gens assis à terre, où on voit des rues sans canal, sans égout, où on voit une panoplie de choses que l'on appelle ici sales, est-ce qu'on peut prétendre que Lima est aussi belle que Montréal? Parce que si Lima est plus laide, ben c'est peut-être parce que tu es raciste. Lorsqu'à un moment donné, vous voyez, dans une région particulière, la majorité des individus marcher nu-pied et être sales, c'est-à-dire que leur linge craque presque lorsqu'ils marchent. Mais vu qu'ils transpirent beaucoup et qu'il fait chaud, c'est humide, donc ça ne craque pas. Mais ça sent. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces êtres humains sont aussi propres que nous? Feriez-vous l'amour avec eux? Non, vous êtes racistes. Ou peut-être que vous êtes plus propres. Alors, vous allez dire, ben oui, mais Christy, ils ne voient pas qu'ils sont sales. Ils voient qu'ils sont propres à leur niveau de conscience. Alors, si tu es capable de les laisser à leur niveau de conscience, de ne pas vouloir les forcer à se laver tout le temps, tu n'es pas raciste. Tu es compréhensif. Mais lorsque l'être humain part d'un pays pour aller aider un autre pays et forcer, bref, il s'en va les coloniser, les instruire, les sauver, les civiliser, ça, c'est du racisme. Ça, c'est prétendre que ces personnages sont tellement imbéciles qu'ils ont besoin de notre science et de notre intelligence. Et là, on va les sauver. Non, moi, je laisse ceux que j'ai rencontrés dans d'autres pays vivre comme ils vivent, mourir de ce qu'il meurt. Et lorsqu'à un moment donné, il y a quelqu'un, j'ai connu un Guatémaltèque à un moment donné qui avait de la vibration, qui avait de l'intelligence. Lorsqu'une personne a génétiquement un corps physique qui lui permet de comprendre autre chose, j'ai même payé son billet d'avion pour qu'il vienne ici, parce qu'il voulait venir ici. Et il est venu travailler ici, il est venu apprendre ici. Et il ne voulait pas retourner dans son pays. Pas parce qu'il était raciste, parce qu'il savait très bien que selon sa vibration, il ne pourrait pas être capable de vivre bien entouré de gens qui vivent, à son point de vue, mal. Mais à leur point de vue, bien. Il savait très bien qu'il ne pourrait pas retourner au Guatemala pour aller aider son peuple. Un médecin peut aider le peuple en soignant des personnages, d'accord? Vous savez, vous donnez un pot de médicaments. Vous travaillez dans une mission. Vous donnez un pot de médicaments à des personnes qui sont malades et vous leur dites une pilule 3 fois par jour. Et c'est compliqué. Alors, ils prennent tout d'une claque, comme ça, ils n'auront pas besoin d'y penser. Ça, c'est quand ils ne vendent pas sur le marché noir. Alors, vous leur dites, vous venez 3 fois par jour ici, on vous donne une pilule. La personne, elle vient et elle donne son nom. Vous fouillez dans le dossier, savoir à quoi il donner. Puis comme dans cette région-là de la jungle, il change de nom comme il change de chemise. Bien, évidemment, il faut que tu leur photographies à la face si tu veux les reconnaître. En espérant qu'ils ne changeront pas d'os. Ben, ils se maquillent, eux aussi, ils sont civilisés. Ils n'ont pas les petites boucles d'oreilles en or, ils ont les os, mais enfin, ça vous les met. L'hémisphère sud de notre planète est un hémisphère qui, telluriquement, énergétiquement, planétairement, a vécu une expérience traditionnelle qui a permis à la race humaine de sortir d'un phénomène extrêmement descendant que nous connaissons sous la terminologie de la race atlantéenne, et qui a permis la gestation de la race indo-européenne, la race aryenne la première, au niveau du contexte indien et au niveau du contexte sud-planétaire. Et on a vu l'évolution de l'Égypte, on a vu l'évolution de Sumer, on a vu l'évolution d'une panoplie de civilisations qui ont été les supports même de ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est dans le sud que ça se vivait. Est-ce qu'il était raciste? Aucune idée. Chose certaine, c'est qu'il colonisait le nord en maudit. Mais à un moment de la cinquième sous-race de la race mère blanche, la race viking, a eu ce phénomène vibratoire qui lui a permis d'engendrer des guerriers. Ils ont été conduits par un maître qui portait le nom d'Odin. D'ailleurs, les Aryens ont été conduits par Rama. Et ça l'a créé évidemment des dieux, Rama entre autres. Et lorsque Odin est descendu avec ses hordes pour conquérir le sud, c'était maintenant une mutation totale à l'échelle de la planète. Le nord commençait à prendre le dessus. Le Sud avait trop d'expérience mémorisée dans les cellules même de sa géologie, donc de l'énergie tellurique de ses sols, autant au niveau de l'Amérique du Sud, autant au niveau de tout l'hémisphère Sud. Alors maintenant, il fallait que quelque chose de neuf naisse sur des nouvelles terres. Ces terres-là étaient des terres de glace, des terres froides. Les terres de glace et les terres froides ont dynamisé, ont baissé suffisamment le plan vibratoire de la tellurie, que les mémoires ont été disloquées et ont servi à la gestation d'une race humaine plus forte. Lorsque le Nord a commencé à être colonisé, à être peuplé, le sud était déjà décadent. Tout à fait décadent. Il n'est pas question de racisme pour parler de l'Inde ou de l'Égypte. L'Inde a été le berceau de notre civilisation spirituelle. Et l'Égypte a été l'un des berceaux de notre civilisation scientifique avec par la suite la Grèce et tout ça. Mais aller en Inde aujourd'hui, aller en Égypte aujourd'hui, aller en Irak, aller à Bagdad, aller dans l'ancienne Babylonie, aller en Judée et observer l'homme là-bas. Il n'est même pas à la hauteur de ses ancêtres. Il a besoin de la technologie du Nord. Il n'est pas à la hauteur de ses ancêtres. Les Chinois, sans la technologie du Nord, ne construiront pas de murs. Les Égyptiens ne savent même pas qu'est-ce que font les pyramides là. Et les Hindous ont oublié tout de la construction de leur temple. Et si nous regardons maintenant le Nord, où il n'y a pas de temple, où il n'y a pas de pyramides, où il n'y a pas de toutes ces choses du passé, nous avons des centrales nucléaires, nous avons des avions réaction de ligne, nous avons des forces militaires qui n'ont rien à voir avec les catapultes romaines. qui sont proches de du bas, sont proches, disons, de l'hémisphère sud, mais qui sont quand même évolutifs. Regardez le nord de notre planète, il ne faut pas être raciste pour se rendre compte que, effectivement, le nord de la planète est où présentement se vit l'évolution améliorative de l'homme. L'Union soviétique, mais c'est tout à fait génial. Les États-Unis d'Amérique, incluant le Canada, c'est tout à fait génial. Les Japons, et bref, tous ceux qui sont assujettis à l'économie américaine ou l'économie soviétique. Mais c'est génial. Ce sont les seuls endroits présentement où on a un contexte qui n'est pas répétitif du passé. Mais allez en Inde, allez en Égypte, allez dans l'hémisphère sud, et vous ne pourrez vivre qu'un contexte traditionnel répétitif du passé. Et tout l'hémisphère sud a besoin de l'hémisphère nord comme l'hémisphère nord a eu besoin de l'hémisphère sud. C'est pas question de racisme. Question d'évidence. Il n'y a pas beaucoup de pays du sud qui envoient leurs forces militaires et leurs forces de santé pour aller aider les pays du nord en voie de sous-développement. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas. Imaginez-vous l'Afrique du Sud avec le régime qu'ils ont encore, l'apartheid. Faut pas être évolutif énormément pour qu'en 1987, on vive encore à l'époque de 1787, où une minorité de Blancs dirige une majorité de Noirs. Qui sont coupables? Les Noirs comme les Blancs. Parce que moi, je serais Noir là-bas, les Blancs, ils dirigeraient pas longtemps. Mais ça a toujours été comme ça. Fait qu'avant de mobiliser des Noirs à changer quelque chose, faudra que le Nord intervienne. Soit les Américains, soit la France, soit un contexte nord-planétaire. Il faudra qu'eux autres interviennent pour dynamiser quelque chose chez les Noirs de l'Afrique du Sud ou chez les Blancs de l'Afrique du Sud pour qu'à un moment donné, un palier de l'évolution change. Vous savez que ça nuit à l'évolution de la planète, un contexte comme l'apartheid. C'est un poids planétaire à la tradition du passé. Il y en a d'autres régions planétaires qui sont aberrées comme ça. Ils ne resteront pas aberrées longtemps. Ils ne peuvent pas. Même le contexte français est une partie qui est un peu trop traditionnaliste, conservateur. Alors, il n'est pas question de racisme, c'est question d'évidence. Vous avez deux produits chimiques, il y en a un qui est toxique, il y en a un qui est bon. C'est pas question de racisme ou de... Non, vous prenez ce qui est bon. Est-ce que moi, est-ce que... Parce que souvent, on va poser la question, parce que lorsque l'homme ancien, des fois, lorsque l'homme est ancien, des fois, il est ancien en maudit. Alors, il va dire, ouais, mais ça veut-tu dire qu'on devrait tout détruire ceux qui sont sur l'hémisphère sud? Ça n'a rien à voir. Ce monde-là ne nous dérange pas. C'est nous autres qui les dérangeons. Les détruire, non. Tout ce qui se fait présentement doit être fait, et c'est correct. Ils vont participer à la guerre du Nord, évidemment, parce que s'il y a une guerre mondiale à un moment donné, c'est dans le Nord qu'elle va être déclarée. C'est-à-dire qu'elle va être déclarée dans le Sud, mais par du monde qui vit dans le Nord. Les détruire, ça n'a absolument rien à voir. C'est comme de dire, un jour, un jeune me demandait... À quoi ça sert les iguanes, les animaux nuisibles? Ben, c'est le même phénomène. T'sais. Pourquoi qu'ils ont inventé ça, des sauterelles? Ça sert à rien. Ça sert à rien pour l'homme. Et pourquoi qu'ils ont inventé l'homme? Il sert à rien pour les sauterelles. Alors pourquoi que l'hémisphère sud, on irait le détruire? Ça n'a rien à voir. Conséquentiellement, écologiquement, au niveau de notre planète, ils jouent tout un rôle, inconsciemment, et ils le jouent bien en maudit. Je ne suis pas raciste. L'évolution améliorative de l'homme, présentement, va vivre un contexte nord-planétaire, un contexte beaucoup plus américain et un contexte beaucoup plus québécois. Et j'ai déjà dit, parce qu'on me posait la question, est-ce que vous dites que c'est au Québec que ça va se passer parce que vous vivez au Québec? Non. Je suis né au Québec parce que c'est au Québec que ça va se passer. Si l'évolution se moque des mémoires, je me souviens que l'évolution devait se faire au nord du Saint-Laurent, protégé par le bouclier canadien. Quel est le sort réservé au sud, surtout les cantons de l'Est, comme la ville de Granby? Bon. L'évolution est un phénomène énergétique. Un phénomène qui a prédominance tellurique et prédominance extraterrestre, c'est-à-dire prédominance disons, énergético-supramental. Tout ce qui est sur le côté sud du Saint-Laurent fait partie de ce qui est extra-bouclier canadien, donc ne fait pas partie du Québec ésotérique, fait partie du Québec politique, mais la politique n'a rien compris aux choses. Il a mis des barrières partout, alors il n'a pas compris grand-chose. Qu'est-ce qui va arriver au canton de l'Est? Il va arriver ce qui doit leur arriver. Il y a un paquet de personnes là-dessus qui vont à un moment donné migrer vers le nord, et des personnes du nord vont migrer vers le sud. Pas parce que celui qui va vers le nord n'est pas nécessairement celui qui va être conscientisé, être focalisé dans son intelligence. Il y a du monde qui vont être sur l'hémisphère sud aussi, qui vont avoir un contact avec l'intelligence. Sauf que massivement, ça se fera sur le bouclier canadien. Parce que c'est la seule région planétaire qui n'a jamais et qui ne peut pas être ébranlée par un tremblement de terre. Ce qui fait qu'il ne peut pas être brassé par, disons, la régression karmique de l'évolution de notre humanité. La personne veut souvent savoir, alors Granby, bon, prenons l'exemple de Granby, est-ce que ça va sauter? Y aura-t-il une bombe nucléaire là? Y aura-t-il ceci? Y aura-t-il cela? Ça va se battre autant dans le nord que dans le sud. Alors, qu'est-ce qui va arriver? On me demande de faire des prophéties. Je ne fais pas de prophéties. Je ne dis donc rien. Je n'ai ça. Non, ça ne m'intéresse même pas. Je n'irai pas vivre à Granby. C'est pas plus simple que ça. Mais la personne qui se dit, oui, mais si on va vivre dans le nord, ça veut dire que dans le sud, ils vont tous sauter s'il y a un apocalypse, pis ci, pis ça. Faites-vous-en pas, mais s'il y a une guerre, ça va partir d'un côté de la planète pour aller l'autre bord de la planète. Hein? Et puis, il y a le bouclier canadien entre les deux. Alors, comme on sait très bien que la technologie, vous savez, les avions tombent en temps de paix, mais ils vont tomber en temps de guerre aussi. Puis normalement, ils tombent entre leur point de départ et leur point d'arrivée. Alors, la personne qui se dit, ben je vais migrer vers le nord, c'est le point sûr, c'est ceci, c'est cela. Non, la sécurité, elle est là-dedans. Elle n'est pas dans un contexte géographique.